C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mire nous fera miroiter ses connaissances en parcourant les pages de sa Véroniclopédie. Et David Ferron et l'actualité Ferron équipe dans la chronique du journal sur le campus. J'ai jamais fait aucun de ces deux gags-là, c'était vrai. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce mardi 28 février 2017, à 58 jours de la fin de l'année scolaire, on t'en dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Salut Tania, tu m'as rappelé que c'était la fin du mois de février aujourd'hui? Oui, exactement, donc tous ceux qui font le 28 jours, c'est votre dernière journée. Ah! Ok, oui. La fin arrive. Oui. Tu tiens bon? Je tiens bon, je te dirais que les 5 dernières journées ont été beaucoup plus, pas difficiles, mais tu, d'après moi, c'est parce que tu sens que c'est la fin, fait que là, t'as un petit peu plus le goût d'avoir une bouteille de vin à tes côtés. Goût d'alcool. Exactement. Donc aujourd'hui, l'émission, ben, bon, premièrement, bonne chance pour le reste de la journée. Merci, merci. Il reste encore quelques heures, ne flanche pas, s'il te plaît. Café Belize. Oh, c'est tentant. Non. Je vais être solidaire avec toi, je vais pas merci, voir merci. Donc aujourd'hui, l'émission, on va avoir David Ferron à 8h30 pour sa chronique du Journal Zone Campus. C'est l'avant-dernier. Il en reste 3 après celle-là. Ouais, si j'ai bien compris, ouais. Genre. Alors, on va en parler à 8h30 avec lui. Ta chronique s'en vient plus tard. Tania Esgalin-Jugénia, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Je vais vous parler, en fait, d'un phénomène qui est très, très gros maintenant. Et je vais aussi vous parler d'une personnalité qui vient de la Mauricie, qui œuvre dans ce domaine-là. Mais c'est comme encore un petit peu flou, disons, ce fameux domaine. Donc, je vais essayer de vous aider de ce côté-là. Le cowboy du centre-ville. Ah, si seulement j'avais pensé à faire ça. Et plein d'autres choses s'en viennent dans l'émission d'aujourd'hui, mais on débute avec Véronique Mire qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Ça va, Véronique? Oui, ça va bien. Ah, on est seulement avec toi aux 2 semaines, donc il faut en profiter quand t'es là. Et ouvrons tout de suite les pages de la Véroniclopédie. Chaud. Il fait chaud. Tu mets dedans. Quand même laisser l'été s'en venir, lui laisser son délai. Là. C'est comme les oiseaux, ça vient en volant jusqu'à nous. Oui, on peut quasiment voir Gildan Roy franchir le corps de la porte. Oh, j'entendais cette chanson, ça me fait tellement penser à chaque fois. Ah, j'y pense pas. Salutations à Gildan. Oui, c'est un grand fan de l'émission. Quand même. Si j'étais un fan de lui dans le temps qu'il animait les émissions du matin, bien sûrement qu'il est fan de nous autres aussi. Ça doit. Ça va comme c'est ça. C'est tout connecté. Bref, donc Véronique Mire, on est là pour parler de différentes connaissances générales oui. dans un ordre absolument aucunement particulier. Non, et félicitations d'ailleurs pour ta bonne prononciation du Véroniclopédie. Du de là, hein, moi tu vois, moi c'est le féminin masculin qui me vient pas. Et la gauche et la droite, Même affaire. Bref, on parle de plein de sujets, j'en suis certain. Et oui. Et d'ailleurs, tantôt tu disais fait chaud, et je vous rappelle que je devais faire cette chronique le 14 février, donc mon premier sujet est inspiré de la Saint-Valentin. Si je vous dis suspension et séduction, vous pensez à quoi? Suspension et séduction. 50 Shades of Grey. Oh, c'est bon. Moi, j'irais suspension, j'ai dû prendre congé le mardi 14 février. Et l'autre mot, c'était quoi? Et séduction. Ben, c'est ça. Vous pouvez vous trouver les raisons que vous pensez pour lesquelles j'ai manqué l'émission mardi il y a 2 semaines. Deuxième indice, un morceau de vêtement plus spécifique qui a ces fonctions-là. Suspension et séduction. Et? Brassière. Ben, cake. Hein? Une brassière. Parlons de soutien-gorge ce matin. Alors, voilà. Pourquoi ça s'appelle soutien-gorge? J'espère que tu vas nous le dire. Eh oui, parce que ça soutient à gorge. Ben, qu'est-ce que ça vient? Hein? Ben, franchement. Donc, dès la Grèce antique, les hommes confessaient avoir un penchant pour les femmes androgynes, mm-hmm. donc qui n'avaient pas de poitrine. Donc, les femmes étouffaient le développement de leurs seins. Les jeunes filles saignaient leur poitrine de pièces d'étoffe, de bandes ou de bandages qui les comprimaient. Mm-hmm. Et ces pièces d'étoffe-là avaient des noms barbares, d'ailleurs, qui m'a bien fait rire. Le premier s'appelait le mastodéton. Ah! Hey boy! Mastodéton? Mastodéton. Déton, excuse-moi. Avec un D. Je trouvais ça très, très comique. Sous leur traditionnel chiton, la tunique de lin. Les Romains avaient le même souci, donc aplatissaient également leur sein au moyen d'un ténia, donc le nom est un petit peu moins comique. Ténia Baudin. Un peu plus chic, mettons. Ténia. Ah, ténia Baudin. Ça y est. Mais les aînés étaient même encore pires. Elles allaient sangler leurs contrariants avantages sous un marmellaré de cuir. Wow! Hey, comme un lady marmellaré. C'est raide, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on dit hey, les cerceaux, ça fait mal, puis tout ça, l'imaginer, hein, avec un truc de cuir là, qui sangle et toute la patente. Aïe, aïe, aïe. C'est beau du cuir. Hum! Mm. Donc, elle portait le tout quand même sous un bandage grec, hein, parce que les Grecs ont quand même eu une influence dans le temps assez longuement. Le bandage grec s'appelait un strophium. Donc, c'est quand pas même, un des drôles de noms, là. Ouais. Sauce à l'ail, puis... Putain. Mais... Un bandage grec. Strophium. Oui, j'ai jamais compris, mais tu sais, on parle pas de tzatziki, ici. Non! Mais ça serait bon, mais à ce temps-ci, je sais pas. En tout cas... à la Renaissance, c'est là que le corset est arrivé, là, mais bon, je m'étalerai pas là-dessus. La fièvre hygiéniste du 20e siècle a carrément fait mourir le corset qui est tombé aux oubliettes, heureusement. Donc, c'est là que le soutien-gorge arrive, initialement appelé maintien-gorge ou gorgerette. Une gorgerette. Laisse-moi t'enlever ta gorgerette. Donc, quand même. Mais je n'ai pas l'origine du nom. Je ne sais pas pourquoi qu'on appelait ça soutien-gorge, mais bon, on pourrait sûrement trouver facilement la réponse. Donc, le mot a fait son entrée dans le Larousse en 1904. C'est la féministe française Herminie Cadol qui a coupé le corset en deux officiellement et elle a inventé le corselet-gorge, dont elle a présenté un modèle amélioré appelé le bien-être à l'exposition universelle de 1900. Mais ça n'a pas pogné pantoute, étonnamment, là. Donc le succès n'était pas au rendez-vous. En 1893, il y a une Américaine, Marie Tussek, qui a lancé aux États-Unis, évidemment, le Breast Supporter. Bon, donc on se rapproche de plus en plus. Hein. C'est drôle, ça retourne dans le temps. Mm-hmm. Mais les Américains puis les Français sont souvent très proches dans les inventions. Donc, en France, c'est en 1900 que ça a été inventé, mais aux États-Unis, c'est en 1893, le Breast Supporter, qui n'a pas eu plus de succès. Donc, on les met en parallèle, là, ces deux inventions-là. Ensuite, Marie Phelps Jacob, en 1913, donc là, ça va dans le temps, là, invente le soutien-gorge moderne. Donc, c'est là que ça a été vraiment inventé, avec les bonnets séparés. Parce qu'avant, ça venait tout ensemble. Ah, donc, ben oui, évidemment, comme un mono-sourcil. Ben, tu sais, t'as pas de bobette. Pareil. T'as pas de bobette, est-ce qu'elle a deux bosses? Une monoboule. Ils se sont mis à faire des épilations des tétons. Exact. Voilà. Donc, il y avait des problèmes, par contre, de commercialisation. Et là, c'est très drôle dans l'histoire parce que il y a les frères Warner qui n'ont rien à voir avec les Warner Bros. du cinéma. Mais bon, quand même. Ça aurait été drôle. Oui, vraiment, là. Donc, c'est eux qui ont aidé à la commercialisation. Les frères Warner, qui étaient Lucien et Ira Devers. Oui. Lucien, probablement, c'est des Américains. Alors que les Warner Brothers du cinéma, c'est Albert, Sam, Harry et Jack. Donc, rien à voir. Oui, c'est ça. Donc, les frères Warner qui ont produit la compagnie Warnaco, qui produisent pour Calvin Klein, Speedo, Chaps, encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et là, ben bonnet à profondeur, bretelles élastiques et tout ça ont bonnet été manant. Inventés. Donc voilà. Mais il me manque l'info de pourquoi le nom. T'as-tu trouvé? Apparemment que c'est un euphémisme gorge là, pour désigner les seins. C'est juste comme ça. OK. Ah, elle a une belle gorge. Ils mettaient tout ça ensemble. Ouais, c'est ça. Okay. Ça ouais, clairement. Fait que, vu que ça découle de là, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu as dit que la dénomination de brassière en français a été transformée en bra et c'est celle-là, c'est ce mot-là qui s'est imposé aux États-Unis après? Ah, c'est bon. Donc, ça. Le bra vient tu vois, de j'avais brassière. Pas ça. Exact. Super. Donc, plus historique, mais je trouve que ça fit avec un peu notre espèce de tu sais, on dit difficilement ces mots-là, hein, sain, bon et compagnie. C'est pourtant là, des termes médicaux, on a le droit de nommer la radio. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, voilà. Alors, suspension et séduction. Premier thème de la journée. Wow. Maintenant, allons ailleurs. Ce qui nous arrive très fréquemment, vagabondage d'esprit. Oui. Hein? Ouais. Vagabondage d'esprit. Quand on pense à toutes sortes d'affaires. Ouais, être un peu dans la lune ou faire quelque chose. D'être dans la lune? Ouais. Ça dépend en quand. Ouais. Mais en ouais. Dînant surtout. Ouais, en dînant surtout. Je sais pas pourquoi. Ça doit être parce que je suis vraiment très fatiguée à ce moment-là. Mais en fait, c'est pas être dans la lune. C'est vraiment quand tu fais quelque chose puis t'es ailleurs. Ok, donc tout devient automatique. C'est parce qu'être dans la lune, ça peut être juste être de même, mais ouais. Tu fais rien. Mais tu sais, t'es en train de faire quelque chose. Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Vagabondage d'esprit, c'est plus dans ce sens-là. Donc, en 2010, il y a des Américains, Killingsworth et Gilbert, qui ont fait une application aux États-Unis pour échantillonner l'expérience vécue par des gens, voir quand ils faisaient des tâches, justement, c'était quoi la fréquence du vagabondage d'esprit. Il y a quand même 2000 personnes qui ont participé à cette grosse étude-là, donc c'est pas rien. L'âge moyen était de 34 ans, puis ils les laissaient aller dans leurs activités quotidiennes, puis là, la petite application arrivait, puis êtes-vous là, qu'est-ce que vous faites, pensez-vous à autre chose. Donc, ils voulaient savoir c'est combien de fois que ça arrivait. Puis, est-ce qu'ils étaient heureux ou non dans ces moments-là s'ils vagabondaient dans leur esprit? Boy. Donc, premier fait très étonnant qui est ressorti de l'étude, les gens passaient 47 % de leur temps à vagabonder. Fait que quasiment la moitié, tu sais, 30 secondes, mettons, sur une minute, là, où que tu fais quelque chose, puis t'es même pas en train de le faire, t'es ailleurs. Quand la routine embarque. Tu sais, par exemple, là, quand tu conduis, là, puis tu te rends au point, puis là, tu fais comme, oh, attends, là. Je me rappelle comment pas. Comment est-ce que, ouais, c'est ça. Comment ça, est-ce que je suis arrivée ici, je me souviens pas. D'avoir pris conscience que je conduisais. C'est dangereux, ça! Comment? Il y a des tâches qui ont besoin de plus de concentration que d'autres, donc je peux comprendre que peut-être la moitié de tes tâches, des tâches que tu es tellement habitué de faire que tu les fais. Oui, oui, oui. Les trucs de routine, là, c'est sûr que ça s'y prête plus. Et ce qui est encore plus triste, c'est que les gens étaient moins heureux dans ce temps-là qu'ils vagabondaient. Ça doit être parce que tu penses à tes problèmes, non? Ah, j'avoue, oui, tu penses à la job, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, quand on vagabonde, on a tendance plutôt à soit ruminer le passé négatif ou anticiper négativement ce qui s'en vient. Pas fou. On est plus souvent là-dedans. Hein? On est des gens heureux. Ben voilà. Boy, quand même. Puis, il y a Wilson et ses collaborateurs en 2014, j'ai pas toute la liste là, parce qu'ils sont plusieurs à l'avoir fait, qui ont recensé 11 études qui révélaient que les étudiants au premier cycle universitaire n'aiment pas passer 6 à 15 minutes seuls dans leur chambre à ne rien faire. 6 à 15 minutes, là, c'est quand même pas énorme. Non. Ils préfèrent s'engager dans des activités même insignifiantes. Même certains préféraient recevoir des chocs électriques plutôt que rien faire pendant 6 à 15 minutes. Il y a des gens, là, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, là, surtout avec, tu sais, il y a plusieurs jeunes étudiants, là, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est la vie. Là, Assumez-vous, bâtard. Exactement. Hein? Ils ont de plus en plus de difficultés à être seuls par eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Oui. Introverti, les gens sont... Beaucoup. Puis tout est à portée de main maintenant avec le téléphone. Les gens sont là, vite, des réponses. Fait que se retrouver avec dans le vide, dans le silence, c'est comme, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aime ça. Ben, c'est assez spécial. Fous-moi la paix. On va tout aller faire une sieste après l'émission. OK, c'est bon. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, ben, l'étudiant typique, en fait, ce qui a découlé de ça, c'est qu'il n'aime pas se trouver seul avec ses pensées parce que, justement, c'est souvent des pensées négatif. Déplaisantes, les évaluations qui s'en viennent, il y a beaucoup de ruptures amoureuses et chicanes avec des amis, et tout ça. Donc, c'est quand même dommage. Les gens sont péjoratifs. Mmh. Ouais. Je sais pas si le mot péjoratif pourrait être utilisé dans ce cas. Ben, quand tu fais du positivisme, au moins, t'es capable de... Si tu te retrouves seul, tu te dis qu'il va y avoir un bon côté au fait que t'as des examens dans pas long, ou que tu vas avoir tes résultats d'examens dans pas long. Tu sais, tu vas trouver du positif dans tout. Ouais. Tandis que si c'est juste négatif et péjoratif, t'aimes pas ça? Mm-hmm. Ou pessimiste, peut-être. Ou pessimiste, ouais. Péjoratif, c'est pas le mot qui veut dire, mettons, tu dis genre, on sait bien, lui, c'est un jeune. C'est péjoratif. Ouais, c'est porter des jugements péjoratifs, mais pessimiste. Je suis pas sûr, Donc, voilà, c'est pour diminuer. En fait, ensuite, on s'est intéressé, qu'est-ce qui se passe, dans le fond, quand ça nous arrive, quand on vagabonde, là, comme ça, dans notre esprit. Donc, ils ont découvert, en passant des IRM, qu'en fait, dans le cerveau, il y a une zone de neurones qui s'appelle le mode, ou en fait, un mode, si on veut, intellectuel qui se produit quand ça nous arrive, qui s'appelle le mode par défaut. OK. C'est quand même intéressant. Wow. C'est comme dans Windows. C'est pareil. Ça plante mode par défaut. Donc, c'est quand on fait rien, certains neurones sont quand même actifs et généralement centrés sur des émotions négatives. Ah. Donc, pour diminuer le mode par défaut, il y a deux grandes façons de faire. Penser au chat. Penser au chat. Non. La première, c'est vraiment de pratiquer la pleine conscience, là, le mindfulness, c'est bien la mode là, ces temps-ci. Donc, soit la méditation, respiration, yoga, manger en pleine conscience, être là maintenant, dans le fond. Puis le fait de pratiquer ces activités-là, ça fait en sorte que quand tu as à te concentrer sur quelque chose, comme tu t'es habitué à focusser sur le ici maintenant, bien quand tu as à te concentrer après sur une lecture ou même juste une conversation avec un ami, tu es plus présent. Oh. Donc, tu sais, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à s'arrêter pour faire ce genre d'activité-là, mais en fait, ça a un gros impact sur plein d'autres affaires. Faites de la radio aussi, ça vous force à écouter. C'est vrai. Aussi. Donc, Brewer et ses collaborateurs en 2011 ont montré que ça, la pleine conscience, ça diminue l'activation des régions par défaut. Aussi, la deuxième façon, c'est favoriser, si on veut, l'état de flow. Donc, avez-vous entendu parler de ça? Non. L'état de flow. Oui, parallèle avec... état de flow. C'est ce que les sportifs appellent être dans la zone, l'équivalent de ressentir la pulsion créatrice pour les artistes ou être en extase pour les mystiques religieux. C'est vraiment dans ta zone. Là. Quand t'es dans ta zone, il n'y a plus rien qui existe. Tu perds la notion du temps. Ça parvient avec toutes sortes de choses qu'on fait dans la vie. Mais pour atteindre l'état de flow, ça prend vraiment des caractéristiques spécifiques, comme un cadre où il y a des objectifs puis des règles qui sont précises. Pas juste faire n'importe quoi puis perdre la notion du temps. Ça se fait mieux quand on est au travail que dans les loisirs, dépendant de nos loisirs, parce que certains loisirs, c'est plus bon cerveau à off sans nécessairement avoir d'objectif. Ça prend quand même un bon équilibre entre compétences et exigences, parce que si c'est trop demandant, ben là, l'anxiété puis le stress embarquent. Faut quand même que ce soit quelque chose que tu es capable de faire. Ça entraîne toutes sortes de pensées positives, parce que là, tu te rends compte que je suis capable, j'ai réussi à faire ça, j'ai atteint un objectif. À force de le faire, ben, tu augmentes de plus en plus tes objectifs, donc tu deviens de plus en plus meilleur dans la tâche que tu accomplis. Ce qui est plus facile à faire, mettons, bon, il donne l'exemple, retoucher des photos dans Photoshop plutôt que juste vagabonder sur Internet sans chercher quelque chose, mettons. Ouais. Chercher quelque chose sur Internet puis le trouver, ça, c'est le fun. Oui. Mais juste checker pour checker. Allez sur Wikipédia, cliquez sur l'article au hasard. Ouais. Donc, voilà, favoriser l'état de flow et la pleine conscience pour minimiser la zone par défaut, l'activation par défaut. Quelques fast facts, avant d'aller en pause musicale. Donc, c'est quand même bizarre là, comme fait, là, mais saviez-vous que la portion allumée d'une cigarette quand un fumeur inspire atteint environ 700 degrés Celsius? Non, je savais pas ça. Mon Dieu, c'est donc bien chaud. Ouais. Fait que tu ne vas pas se faire brûler pendant que la personne est en train d'en plus d'aspirer. Mais tu sais, ça arrive souvent. Là, si, par exemple, tu as quelqu'un qui fume à côté de toi, tu vas pouvoir... Des fois, là, malheureusement, c'est juste un accident. Là, ouais, c'est ça, tu t'accroches dessus. Ça fait mal longtemps. Oui. Puis imagine, il n'est même pas en train d'inspirer. Oui, c'est ça. Fait que avant, dans les bars, là, quand les gens fumaient, ça arrivait souvent, là, tu sais, quelqu'un fumait, puis tu dansais, puis bing, tu mangeais un coup. Donc, l'objet le plus chaud qu'on connaît, c'est le soleil qui peut aller jusqu'à 5500 degrés Celsius, mais bon, on n'ira pas se coller dessus quand même. La lave, elle, c'est entre 700 à 1200 degrés. La partie bleue d'une bougie, c'est 1400 degrés Celsius. Oh, ouais. Donc, quand même deux fois plus que la cigarette. Et le plus chaud, si on veut, qu'on pourrait toucher, c'est le filament d'une ampoule électrique qui va entre 2200 et 2400 degrés Celsius. Donc, ne touchez pas ça. Ça paraît vraiment pas. Hein? Non. Voilà. En 1789, quand le physicien Joseph Guillotin a inventé sa machine à couper les têtes, son vœu slogan publicitaire, c'était « Ma machine coupera les têtes en un clin d'œil et la victime ne sentira rien d'autre que de la fraîcheur. Hey, » C'est cool, se faire trancher la tête. Tout le monde va vouloir se faire trancher la tête. Il est gentil. Hein? Et pour terminer... Saviez-vous que à Boston, qu'est-ce qui est arrivé à Boston le 15 janvier 1919? Ils ont mis la crème dans le bain. C'était sûr que ça allait avoir ça rapport avec la bouffe. Ouais, ça rapport avec la bouffe. Attends, pour vrai? Boston, c'est quoi? C'est les gros pains là, avec de la viande. C'est pas les Reuben? Non, ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme sandwich à dire? À Boston. Je sais pas, je prépare pas des sandwichs. Ça n'a pas rapport avec des sandwichs. Les hot dogs, non? Non. Non. Ça n'a pas rapport avec des sandwichs? Non. Des pickles? Non, je sais pas. Des pickles. OK, des pickles. Non. On peut en mettre sur les galettes de sarrasin? La mélasse? Oui, de la mélasse. Ah, de la mélasse. Ah, le 15 janvier 1919, il y a eu lieu la grande inondation de mélasse de Boston. Hein? Aussi appelée la Boston Molasses Disaster ou le Great Molasses Flood. Donc, dans le North End de Boston, il y a une grande citerne pleine de mélasse qui s'est rompue. qui a causé un raz de marée de mélasse avançant, attention, à une vitesse estimée à 56 km/h. Hey, pour la mélasse, Ça, c'est étonnant. Vague de 15 pieds de haut. Mais non. Et tué 21 personnes et en a blessé 150. Ah, imagine, t'es mort de mélasse. Hey, t'imagines dans la nécrologie, le lendemain, décédé d'une vague de mélasse. Puis, a laissé derrière lui une famille qui a faim pour la mélasse. Hein? Puis les gens qui habitent encore dans ce quartier-là disent que l'été, quand il fait vraiment chaud, ça bouille. Ils peuvent sentir la mélasse encore. Mais okay, ça, c'est le bon côté de la chose. Mais moi, j'imagine, nettoyer ça. Donc. Tu peintures tout en brun. OK. Non, mais ils ont dû condamner une partie, là, je sais pas. Pour pouvoir laver tout ça, là. C'est comme un immense désastre. Hein? Donc, The Great Boston Molasses Tragedy. Wow. Tu croises les doigts pour un petit peu de pluie, je sais pas. Diluer le tout. C'est ça. Ouais. Ah non, mais tu sais qui aimerait ça, de la mélasse de même? Une autruche, parce que il pourrait chanter le band d'autruche, là. Chouchou la molle. Hey, ah, ben c'est cool, ça. C'est la vieille Wikipédia, assemblage requis. Quand ça va bien, l'autruche. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui nous disent quoi faire. Je me laisserai pas faire, je t'entends, je t'écoute pas. Puis moi, ça coûte un bras, car ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances, il commence à se branler. Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crèche. Chou-chou, on est entendre. Chou-chou, ça aide. La molle de autruche à assemblage requis. On est en train de parler en rond de molasse et de choses qu'on devrait mettre dans du café parce que, apparemment, c'est quoi? C'est ton amie Tania qui met de la mélasse dans son café? Oui, exact. Elle essayait de couper les sachets de sucre, ouais. En fait, puis elle a décidé de mettre juste une cuillère de mélasse. Apparemment, ça faisait l'affaire. Ouais. Sinon, du courant des bois, c'est parfait. Mm. T'as parlé de mettre de la mélasse dans ton ragoût. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Les stews irlandais, là, moi, ouais. Je fais ça tout le temps. À chaque fois que ma mère en fait, je dis « Mais, t'as-tu la mélasse? » Ça donne vraiment envie. Ouais. Bref, toujours dans la Véronique-lopédie avec Véronique Meir, on parle de connaissances générales, on améliore nos comment dire, notre apprentissage, on apprend. Ben oui, on dit de même. Pourquoi pas? C'est un petit sujet cute pour continuer. Les ours en peluche. Ah, cool. Quand même, hein? Vous rappelez-vous la dernière fois comment je vous disais que j'aimais beaucoup les toutous. Donc, monsieur Krim, il faut que je parle de toutou. Ton bar de pinot, tu l'achètes tout le temps avec les petits ours dessus, j'imagine. Oui. C'est cute. C'est vrai, mais le Skippy est très bon, par contre. Ah, non, c'est quoi? Mr. Peanut, là? Comment ça s'appelle? Hein? Je pourrais pas t'aider. La mascotte, c'est Mr. Peanut, là. Mr. Peanut. Oh, ouais. Ouais. C'est une feuille en forme de... Ah, ouais. Planters. Planters. Ah, ben oui, c'est ça. J'ai pas le choix, c'est Mathieu Plante, Planters. Exact. Donc, ours en peluche. D'où vient-il? Il est originaire d'où, l'ours en peluche? Le vrai typique, là, l'ours. Le pôle Nord? Eh boy, ouais. De l'Arctique. Pôle Nord. C'est Coca-Cola qui l'a inventé, non? Non, c'est l'Angleterre. Voyons, l'Allemagne. Hein, comment vendre, manquer son punch. En quelle année, d'après vous, à peu près? C'est... L'ours en peluche, les années 1600. Je dirais que... Ouais, moi aussi, j'aurais dit 1700. Damn. Ça fait vieillot, mais pas trop. Ça. 1600. 1650. Ben, c'est vraiment moins vieux qu'on pense. C'est 1902. Ah, ouais. Donc, je suis un même peu déçue, on dirait. Ouais. Donc, l'histoire de l'ours en peluche commence à Giengen. Mm-hmm. Je sais pas comment ça se dit, là. G-I-E-N-G-E-N, en Allemagne, en 1902. C'est Margaret Steiff, une fabricante de jouets, qui réalisait des animaux en peluche à partir de restants de tissu. Donc, peut-être que les... Je pensais que t'allais dire restants d'animaux. Non, odeur étrange. Elle est remplie de mousse, tu sais. Oui, non. Donc, fabriquer le premier ours jouet à partir de croquis exécutés au zoo de Stuttgart par son neveu Richard Steiff. Donc, le premier prototype appelé l'ours PB-55, aussi friendly ou gentiment appelé Friend Peddy, là, parce que, tu sais, ours PB-55, ouais, c'est un peu plat. Donc, remporte un succès énorme pour l'époque. Lui, il était fait en mohair, donc il devait être quand même assez doux. Oui. Variant du beige au brun et rembourré, par contre, de copeaux de bois ou de scieux. Hein? Ouais, donc, c'était difficile, la mousse, là, en 1912. Ouais. Je sais pas. Avant, c'était un sac de farine puis des poches de patates avant. Du riz. Ça, j'imagine. Oui. Ton toutou. Peut-être. Ouais. Donc, les articulations étaient très rudimentaires puis ils étaient pas tellement beau pour l'époque parce que, ben, à l'époque, parce qu'en fait, on voulait vraiment reproduire les caractéristiques des vrais ours. Donc, il y avait une bosse dans le dos, des longs bras pour se mettre à quatre pattes quand il marchait. Ah, il faisait peur, mettons. Oui, c'est ça. Des grands pieds, des griffes brodées. Et même son expression, c'était un V inversé. Il était pas souriant. C'était vraiment baboune. Donc, le nez et la bouche en V inversé, brodé, et les yeux étaient faits de boutons de bottine. Ben oui. Ah, ben oui, c'est un classique, ça. Comment il s'appelle? Boutons de bottine. PB56. Mais son petit nom cute, là? Friend Peddy. Friend Peddy, parce que j'ai cherché Bear Peddy, puis tout ce que j'ai, c'est le pedo bear sur Internet. Hey boy! C'est pas la même chose. Non, pas exactement. Pas la même chose. Donc, à la fois... Tu les appelles des queues de cheval, je les appelle des poignées. C'est l'ours pedo, hein. Je continue! Alors, à la foire de Leipzig en 1903, donc, où elle a présenté son ours... Il y a eu un énorme succès. Un gros importateur américain en a commandé plus de 3000 exemplaires. Donc, en 1907, ça dépasse le million dans la production. Aujourd'hui, quelqu'un qui posséderait un vieux dans les premiers ours, là, donc PB-55 ou Friend Peddy, ça vaut entre 3000 et 7000 $ un original. Wow. Donc, quand même. Et là encore, les Américains qui se battent pour voir qui a inventé en premier, parce que eux, en 1903, ont aussi inventé leur teddy bear. Et je vous rappelle, à cette époque, c'était Theodore Roosevelt qui était président. Ouais. Donc, ça vient, cette expression-là, le teddy bear, d'une caricature qui avait été réalisée par Berryman. Berryman, c'est quand même... À vous, hein? Je l'avais même tout pas fit. Vu. À chaque fois, c'est... on l'entend autrement, tu sais. Parce que Teddy Roosevelt aimait beaucoup chasser. Et alors qu'il était dans une partie de chasse avec des amis ou bon, des bodyguards, peu importe, là, en 1902, les chasseurs ont acculé au bord d'un mur de roche un ourson. Et comme Theodore Roosevelt n'avait pas rien tué de la journée, ils lui ont dit, ben, tu sais, vas-y, là, tire-lui dessus. Puis lui a dit, non, parce que ce n'est pas sportif comme geste. Donc, il a refusé de le faire et ils ont fait une caricature à partir de ça qui a donné le teddy bear. Oh! Donc, voilà, plus en 1903 du côté des Américains. C'est aux États-Unis que les premiers Rockabye Baby Bears ont été inventés de Dakin. Donc, c'était des oursons qui avaient le même bruit que le battement de cœur, donc pour réconforter les enfants. Le premier nounours français, pour sa part, a été créé en 1921. Fait que c'est vraiment venu plus tard. Les Français ont rien à voir dans la course. Par Marcel Pintel, par contre, qui lui a donné son sourire. Donc, là... on n'est plus dans l'expression ben, t'avais le choix entre sourire ou grimace, tu sais, mais j'imagine que sourire était sourire, sûrement plus populaire. Plaisant quand t'étais jeune. Et les Français, ça n'entendait pas d'avoir un air hautain sur leur petit ours. Ah, ça, c'est difficile. Ça aurait pu. Le petit retroussé. C'était le teddy bear. Teddy bear. Hein. Le teddy bear. Du coup. Les premiers ours automates ont été fabriqués dans les années 20 et les héros de livres ont suivi dans ces époques-là. Donc, comme vous connaissez probablement... Winnie l'ourson. Oui, ouais, ben Winnie l'ourson, il y a Paddington en Angleterre. Paddington, c'est lui cherché. C'est plate, ce Paddington. Ils ont fait un film avec ça. Moi, j'aimais ça. La confiture et tout ça, ouais. Puis Yogi Bear. Marmelade en passant. Ouais, ouais, là, t'as raison. Et Yogi Bear aux États-Unis. Les yeux de sécurité, parce qu'avant, c'était des boutons qui étaient cousus. Mm-hmm. Puis là, ben, les enfants avalaient ça, puis ils mouraient. Ah, oui. Oh, mon Dieu. Hein? Imaginez. L'autre est mort par melasse, puis il est mort par melasse. Ouais, ça va bien. T'es glauque un matin. Tout le monde meurt dans tes chroniques. Eh oui, c'est dark. Donc, en Angleterre, qui ont été inventés les yeux de sécurité en 1948, et Wendy Boston, qui a inventé les yeux de sécurité, a aussi inventé en 1960 l'ours Play Safe, qui était lavable à la machine. Ah. Donc, en nylon bourré de mousse synthétique. Si je me souviens bien, l'ourson que j'ai depuis que je suis née est un Play Safe. Oh. Ah, faudrait que je vérifie en dessous de sa patte, là. Mais je l'ai encore. Fait que tu mourras pas. Puis c'est vrai qu'il se lavait parce que mon père le lavait, puis je trouvais ça drôle. Terrible pour un ourson. Oui, c'est toujours mieux que mettre ton chat dans la veuve. Il l'accrochait par les oreilles, ça. Ben, c'est rare les toutous qui vont dans la veuve. Ouais. Moi, j'en ai pas. Comme je sens un changement de sujet, oui. Je peux faire des blagues de pédo bear. Oh, sur une échelle de 1 à 10, quel âge que t'as? Oh. Sinon, je conduis lentement dans les zones scolaires, mais pas parce que c'est la loi. Oh mon Dieu! Attends, je recherche un autre. Ah non, je vais la faire en anglais celle-là. I'm a great pianist, I finger minors perfectly. Oh, ok, j'arrête là. Attends, ok, dernière. J'aime mon... C'est encore une fois, je cite Pedo Bear sur Internet. J'aime mon whisky comme j'aime mes filles, âgées de 12 ans et mélangées avec la coke. Avec du coke. Oh mon, avec du coke. Mais oh, c'est imagine-moi avec la coke. Oh là là là là là là. C'était pas les jokes à Mathieu Plante, on l'a précisé. Pedo Bear. Pedo Bear. Donc, un autre sujet un peu étrange, je suis un peu dans les sujets bizarres ce matin. Est-ce qu'il faut uriner ou pas sur une piqûre de méduse? Ah mon Dieu, que tu m'as fait peur, là. Je me demandais si tu sonnerais avec ton urine. Faut jamais pisser. jamais. C'est pas sécuritaire. Tu peux pogner un choc, non? Je sais pas, sur une piqûre, pas la méduse. Ok, pas la méduse. Chasse la méduse. Je sais pas, ça avait l'air dangereux. Moi, je vais dire non. Moi, je veux dire, toutes les sortes de piqûres, on ne sait pas, mais tu peux pisser dessus. Ben, c'est acide de l'urine, non? Ben, faut pas uriner sur une piqûre de méduse. Hein? C'est une vieille croyance. Okay, on disait de faire ça. C'est-tu How I Met Your Mother? En tout cas, dans une série dans télé, Friends. Là, je sais pas. Friends, ah, c'est ça, oui, c'est dans Friends. Friends. Il méduse en erreur, oui. Méduse. Exactement, méduse en ça erreur. Arrive. C'est ouais. Donc, c'est contre-indiqué. Ça peut soulager, mais ça désinfecte pas. Hein? Ben, bien ça. Sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire, par contre? Ben, il faut rincer la plaie à l'eau de mer, bon, okay. Puisqu'on y est. Retirer les petits bouts de tentacules encore présents, autant que possible avec des gants, si possible. Et des pinces. Oui, et des pinces. Frotter avec du sable pour piéger les fragments de méduse qui seraient restés incrustés dans la peau. Et prendre, tu sais, n'importe quoi qui est rigide de proche, là, comme une pile, là, souvent, comme il y a des enfants qui jouent dans le sable. Tu t'arraches la jambe, non? Tu grattes, là. C'est vraiment pour tout enlever. Fait que là, si les symptômes persistent, ben il faut quand même aller voir un médecin parce que ça peut continuer, même si on a tout enlevé. Dépendant de la grosseur. Un bout de peau à la fin? Oui. OK. Oui. Okay. Mais ça fait mal. Moi, ça m'est jamais arrivé, par contre. Moi non plus? Non, mais non. J'ai jamais croisé une méduse dans la rue. Jellyfish, méduse, je sais pas si c'est la même chose. Les jellyfish, je pense que dans Friends, c'était peut-être un jellyfish. Mais oui, on recommande oui, aussi de faire ça. Mmh. C'est pas jellyfish en français, non? Hein? J'en pense. Mais jello poisson? Hein? c'est pas une méduse? On va aller voir. Jello poisson. Jello poisson. Poisson. Jellyfish. Ben oui, c'est une méduse. C'est une méduse. Jellyfish, c'est méduse en anglais. Même affaire. Ouais. Non, OK, c'est bon. OK, je pensais que c'était méduse. En tout cas, peu importe. Donc, la chaleur peut soulager. Pour avoir moins mal, c'est mieux de mettre de l'eau chaude plutôt que de faire pipi dessus. Évitez de se gratter. Puis, si vous voyez une méduse morte sur le bord de la plage, n'y touchez pas parce que ça reste urticant, malgré le fait qu'il soit mort. Donc, moins pire que la brûlure, mais quand même pas touché. Pour terminer, trois petits fast facts encore. Saviez-vous que la semaine nationale de la lecture aux toilettes est la deuxième de juin? Pendant qu'on parle de pipi. Je savais pas. On vit ça à l'année, mais il faut le célébrer une fois. Ben ouais. C'est ça. Fait que cette semaine-là, là, grayez-vous là, une coupe d'olive et voilà. Les poissons rouges en liberté peuvent vivre combien d'années? J'ai entendu parler d'un poisson rouge qui avait duré vraiment longtemps, même que ses parents lui ont payé une chirurgie parce qu'il y avait genre, je sais pas, quelque chose. Hein? Il a vécu comme des, je pense, des dizaines d'années. Tu parles-tu un poisson rouge, là? Un poisson rouge? Il me semble. OK. Non? Un poisson chirurgie? Rouge sur... quoi? La chirurgie? C'est quoi, oui, cette affaire-là? Comment tu fais pour faire une chirurgie sur un poisson rouge? Attends un peu. Goldfish surgery. J'ai vu ça passer récemment. Il y avait une tumeur, quelque chose. Une femme qui a dépensé 500 $ en chirurgie pour son poisson rouge de compagnie. C'était étouffé, là, le reste de la chose, sur une pierre. Regardez ça, les photos, comment c'est cute. Oh. Cherchez Goldfish Surgery sur Google pour les voir vous-même à la maison. C'était à Brisbane. Je crois que c'était en Australie. Une femme paniquée qui a amené son poisson rouge à la clinique locale après qu'il soit étouffé sur une pierre. Les vétérinaires à l'intérieur ont compris qu'il fallait le faire, donc ils se sont dépêchés. Il y avait juste un an. Ah, ok, il était pas si vieux. Et il y avait un autre qui avait dépensé 200$ pour sauver son poisson rouge nommé George. Donc ça arrive, mais un an, finalement, c'est moins que je pense. Quand même. Non, je sais pas. Mais c'est plus long qu'un poisson dans un bocal, peut-être. Okay. Moi, je vais dire une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. T'es très proche, donc tu peux vivre jusqu'à 25 ans. Ouais, en liberté. C'est quand même pas rien. Fait que pourquoi qu'on les met dans des bocaux, les petits poissons? C'est parce que c'est cute. Ouais. Et sur une note plus intellectuelle pour terminer, pourquoi X représente l'inconnu en algèbre? Hey, pourquoi ça, est-ce que l'algèbre est enseignée aussi, hein? Ouais, pourquoi est-ce que l'algèbre? J'haïssais tellement ça, moi, là. Ça vient pas du latin, genre, ça veut dire inconnu? Ah, peut-être, ouais. Ou ex, comme dans genre, quand tu finis par casser avec ton ex, c'est une inconnue pour toi. Tu veux que ça devienne une inconnue? Ben c'est le dérivé de traduction de plusieurs milliers d'années. Donc, l'utilisation du X vient du mot arabe. Hein? Beaucoup des mathématiques, c'est tout arabe. Le mot arabe, chey, j'ai demandé comment le prononcer. Donc, c'est le S, accent circonflexe inversé, là. A-Y, qui signifie « chose ». Dans les pages d'un manuscrit datant de l'an 820, fait que c'est pas des milliers d'années, là, de l'an 820, les variables mathématiques étaient appelées « chose ». Lorsque ce texte a été plus tard traduit en espagnol ancien, ce mot est devenu « xei », qui veut dire « x ». Ah, ben... Che, qui voulait dire « x » plus tard par la lettre « x ». Finalement, le gars qui faisait la traduction entre l'arabe et l'espagnol, lui, il l'a pas compris. Non. Ça signifie « chose », donc voilà. Et toute chose. Inconnu. Incroyable, on a appris tellement de choses. C'est le fun, c'est fascinant même comme chronique. Avant de terminer, donc blague de Pedro Bear. J'aime mes... Encore une fois, Pedro Bear sur Internet. J'aime mes copines comme j'aime mon vin. Âgé de 12 ans et embarré dans mon sous-sol. C'est un peu même fort que tantôt. Si ton âge est sur une horloge, if your age is on a clock, I want you on my cock. Mathieu! C'est pas du kidnapping, c'est une adoption surprise. Et restez à l'école. Les enfants, ça va être plus facile pour moi de vous retrouver. Pedo Bear. Voilà. Oh boy. On arrête là, moi ça me fait rire. On apprend. Okay, c'est de l'humour inapproprié. À 8h12. Cette kidnapping est quand même pas pire. Pas pire. Ouais, moi c'est elle. Ben, ouais, sur une échelle de 1 à 10, quel âge que t'as, je la trouve vraiment écœurante. Ouais, pas fou, hein. En tout cas. Merci Véronique Mire. Ben, ça fait plaisir. Je m'excuse de gâcher ta chronique comme ça. Ben non, c'est correct. Hey, Pedo Bear, là, on en apprend. Moi, je savais pas qu'il y avait ça. C'est les mots. Ça, c'est ça. Black Lude. On se retrouve le 14 mars. Eh oui, le mois de mars qui est en miroir à février. Hein, c'est les mêmes jours. Même... Et désolé aussi pour l'absence il y a 2 semaines. Ben non, c'est correct. Merci encore Véronique Mire. Tu t'envoies enregistrer les capsules sur la posture. Tu nous enverras ça pour qu'on sache comment s'asseoir au bureau. Ouais. Apparemment. Exact. Nous, on va écouter une publicité. Ah, et puis on revient après avec une autre portion d'Assemblage requis. Plus tard, ce sera Tania is gonna entertain ya. Après la pause. À tantôt. J'attendais que la musique reparte. Je pensais que ça allait plus fort. Ah, voilà. Assez pour l'écouter. écoutez 89.1. Assemblage de billes. Vous écoutez Assemblage Requiem ce mardi 28 février 2017 à l'Étalia Baudin. Et Mathieu Plante. Dans les palmarès, c'est fou cette semaine, on a plein de nouvelles entrées. Il y en a 4 en francophone et il y en a 6 en anglophone. On va les entendre cet après-midi au complet, tout ensemble. Mais un petit avant-goût de ce qui s'en vient cet après-midi, c'est la formation Autopilot qui entre en 14e place anglophone. Donc ça monte quand même déjà rapidement. Donc voici leur extrait Hurricane. Puis après ça, ce sera Tanya Is Gonna Entertain Ya. Assemblage Requiem. Autopilot et Hurricane à Assemblage Requiem. Maintenant, Tania, elle n'est pas sur l'autopilote du tout. Elle se prépare tout le temps pour sa chronique et elle passe en tempête. Elle nous fait une tempête d'idées, tiens. Ooh. Voici Tania Is Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dance. She's gonna dance. Tania Baudin. Bon matin. Bonjour à toi. Oh que oui, on est prêts. J'aime le fait que je m'étire tout le temps avant ma chronique. Ouais, ben. Comme vous remarquez, c'est un rituel maintenant. Tu voudrais pas t'étirer un muscle vocal? Non, exactement, parce que vous entendez ma voix. C'est ma voix de fille qui a mal à la gorge. Ouais, voilà. Donc, je voulais vous parler d'un domaine qui est de plus en plus courant et aussi d'une personne en particulier qui offre dans ce domaine-là, qui vient d'ici de la Mauricie. J'ai décidé de vous parler du web ce matin, mais beaucoup plus précisément. Vous allez voir tout à l'heure, je vais tout simplement commencer par le commencement, mais le web est partout, on en parle vraiment tout le temps. Ouais, c'est quoi ça, le web? que ce soit positif, que ce soit négatif ou éducatif, c'est quelque chose qui maintenant, en 2017, fait vraiment partie de notre quotidien. Mm-hmm. Dans chacune de nos vies, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne sait pas c'est quoi Internet, qui ne sait pas c'est quoi le web. Donc, bien évidemment, le web, c'est immense. On y retrouve de l'information, on y retrouve les réseaux sociaux, du divertissement, des technologies, le fameux web profond dont on a parlé aussi la semaine dernière. Donc, il y a tellement de choses qui englobent le web que c'est parfois difficile de se retrouver là-dedans. C'est presque une toile. Non, je mon jean au chouinard à matin. Presque. Dire des choses vraiment évidentes. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer puis je veux vous concentrer aussi sur un aspect qui est bien particulier du web et qui fait vraiment un petit peu plus fureur durant les dernières années, durant les derniers mois surtout, et une personne en particulier qui a justement choisi le web comme portefeuille. Je veux vous parler grossièrement, évidemment, aujourd'hui, du marketing web. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler ces derniers temps? Et qui est cette fameuse personne dont je veux vous présenter? Donc, il y a des médias qui récemment ont décidé de se tourner que vers les réseaux sociaux. On retrouve aussi des gens sur Internet qui passent des heures à travailler sur du montage, du contenu de tout genre, sur une plateforme, par exemple, comme YouTube, mm-hmm. ou pour en nommer que quelques-unes, là, Snapchat, Instagram. Ça devient en quelque sorte un moyen de travailler, ça devient une entreprise pour certaines personnes. Avec un plus grand public et bien d'autres endroits où tu pourrais travailler. Exactement. Donc, on fait tout ça pour arriver à se faire connaître, faire de l'argent, parce qu'on a un but bien précis aussi souvent avec certaines de ces idées-là. Et on comprend maintenant de plus en plus qu'il y a une mine d'or à faire sur Internet. Donc, en premier lieu, je veux qu'on voit ensemble qu'est-ce que le marketing web, rapidement, pour bien comprendre le reste de la chronique, parce que c'est quand même un sujet qui pourrait, en quelque sorte, être très, très gros si on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Donc, le web marketing ou le net marketing ou le cyber marketing... ou le e-marketing. Ou le e-marketing ou le e-commerce, voyez ça comme vous voulez. Ça consiste, en fait, à améliorer la visibilité et le trafic d'un site Internet. Donc, on utilise Internet comme canal de prospection et on va essayer de développer une relation qui va être durable, une relation de fidélisation avec les internautes, ceux qui utilisent justement cette fameuse plateforme-là ou les clients d'un site web, par exemple, pour éventuellement des médias sociaux qui vont être mis en place sur les sites Internet. Donc, c'est la combinaison, en fait, des techniques qui est le marketing, qui est les statistiques de vente, les statistiques de communication, les technologies informatiques et, bien évidemment, les télécommunications qui sont orientées sur les réseaux et les bases de données, puis aussi sur l'infographie qui est appliquée au multimédia. Donc, on met tout ça ensemble... Ragout. Un petit peu de mélasse dans le ragout. Exactement. Tu mets ça avec un petit peu de mélasse pour que ça colle bien comme faut. Et ça te crée le web marketing. Donc, cette combinaison-là, en fait, ça te permet de créer des interfaces qui vont être utiles, qui vont être ergonomiques, qui vont être conviviales. La plupart du temps, qui vont être sécurisées parce que, bien évidemment, si toi, tu te lances dans le web marketing, tu veux que tes choses soient sécurisées. Donc, ça va être sécurisé pour un utilisateur de services Internet, d'intranet ou extranet. C'est quelque chose qu'on recherche, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas tomber dans certaines arnaques. Donc, la synergie des techniques qui doit répondre à deux principaux objectifs. La conquête et la fidélisation de l'utilisateur, donc la personne qui va aller sur votre site ou la personne qui va utiliser votre web marketing. Et le résultat qui est attendu, c'est la rentabilisation du service de données et de communication. Donc, le média web, par opposition, par exemple, aux médias classiques qui est la TV, la presse, nous, ici, à la radio, ça a un avantage qui est bien évidemment certain, c'est que tout est quantifiable puisque chacune action ordonnée sur un serveur est de fait enregistrée sur le serveur. Donc, tout ce que vous faites sur Internet, tout ce que vous vous dites qui va être, par exemple, média web, va être beaucoup plus quantifiable que, par exemple, un média classique. Parce que, justement, comme je viens de le dire, le serveur va faire en sorte que ça va garder un chiffre de chaque fois que vous êtes allé ou que chaque fois qu'une personne s'est rendue sur votre fameux média web. Donc, l'intérêt, en fait, du web marketing, c'est justement d'être capable d'analyser les comportements des internautes afin d'en tirer des règles qui vont être, bien évidemment, de cibler le marketing précis que l'on doit offrir à notre audience. C'est un petit peu ce qu'il faut comprendre avant de commencer à parler de web marketing, c'est que bien évidemment, la plupart des gens qui se retrouvent sur Internet, qui décident de faire d'eux des web entrepreneurs ou des entrepreneurs web, c'est des gens qui à la base ont tous un défi. Ils veulent tous faire quelque chose avec ça, mais il existe quand même trois raisons fondamentales pourquoi est-ce que les gens veulent se lancer en web marketing ou devenir web entrepreneur, parce qu'on appelle ça des entrepreneurs web, bien évidemment. C'est comme d'avoir sa propre entreprise, mais sur Internet. Donc, pourquoi est-ce que les gens veulent faire ça? De dire que les gens veulent automatiquement vouloir faire de l'argent extrêmement rapidement, c'est un petit peu de mal connaître ce qu'est le web marketing, parce que comme quelqu'un qui va partir sa propre entreprise, ça va prendre du temps, de l'effort. Et bien évidemment, on n'a pas tout le temps, au départ d'une entreprise, d'autres employés que nous-mêmes. Donc, Ou des connaissances. Donc, on fait tout par nous. Et c'est des questions que chaque blogueur s'est posées à un moment donné, à savoir, par exemple, est-ce que ça me tente vraiment de quitter ce que je connais pour pouvoir tout mettre du même côté sur le web? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu mets tous tes œufs dans le même panier, là, parce exactement. Que tu travailles fort. Ben, c'est vraiment ça, en fait. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que les entrepreneurs web, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent exactement tous leurs œufs dans le même panier pour être bien sûr que ça va devenir quelque chose qui va être gros, qui va être... Ça peut te coûter de l'argent aussi. Ça peut te coûter de l'argent, ouais. On s'entend. Donc, les trois raisons bien souvent fondamentales pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire du web marketing, bien, c'est que devenir web entrepreneur, c'est-à-dire de faire du web marketing, là, vous comprenez, c'est pour fixer son emploi du temps. Donc, la plupart du temps, c'est une des raisons qui va être une raison clé, et la plupart des entrepreneurs sur Internet vont vous le dire. C'est qu'en travaillant sur Internet, vous allez vous fixer vous-même votre propre emploi du temps. Vous allez décider quand vous allez travailler, par exemple, sur votre site, quand est-ce que vous allez écrire vos articles, quand est-ce que vous allez réfléchir à des idées qui vont être innovantes, quand est-ce que vous allez faire du montage, tout ça. Donc oui, étant donné que les tâches que l'on réalise sur notre site Internet peuvent être faites à toute heure, à n'importe quelle heure du jour, de pouvoir faire ça à partir de chez nous, de fixer notre propre horaire, c'est quelque chose que la plupart des entrepreneurs web veulent créer, c'est qu'ils ont ce besoin-là d'être leur propre boss en quelque sorte. Par la suite, une deuxième raison fondamentale, c'est pour travailler à sa propre façon. Donc, de devenir entrepreneur web, ça signifie également travailler par nos propres valeurs. Travailler dans le ou les thèmes qu'on a décidé d'aimer le plus, notre passion ou peu importe. Donc, oui, de pouvoir choisir n'importe quel thème pour notre blog ou pour notre business en ligne, ça veille quand même à rester un petit peu rentable puisqu'on va être passionné par ça et ça va automatiquement nous pousser à vouloir aller plus loin. Mais de devenir web entrepreneur, ça va vous permettre aussi à un certain point d'inventer notre propre entreprise. Donc, de A à Z, vous allez construire votre image, vous allez construire ce que vous voulez de votre entreprise web. Et c'est un petit peu ce que la plupart des gens qui sont déjà web entrepreneurs recherchent. C'est de créer ce qu'eux veulent automatiquement sans nécessairement avoir une tête en arrière d'eux qui dirige eux-mêmes leurs propres idées. Par la suite, la troisième raison, c'est qu'un web entrepreneur veut devenir, en temps normal, web entrepreneur pour être libre. Mm-hmm. Quand on parle d'être libre, on s'entend, c'est sûr qu'on ne dit pas que vous n'allez pas travailler si vous devenez web entrepreneur. Ce n'est pas ça que vous devez comprendre. C'est que l'outil de travail que vous avez besoin pour devenir web entrepreneur, c'est Internet et votre ordinateur. Donc, en quelque sorte, où est-ce que vous pouvez amener votre ordinateur? Bien évidemment, un ordinateur portable, là, la plupart du temps. Ouais. N'importe donc, où. Donc, tu vas travailler n'importe où. Où est-ce que vous allez trouver Internet? Aujourd'hui, pas mal n'importe où. Donc, c'est surtout sur cette optique-là qu'il faut penser qu'un web entrepreneur va être libre. C'est qu'il va être libre de pouvoir travailler à partir de n'importe où. Mais donc, justement, au contraire, tu pourrais aussi dire, ouais, mais tu vas être libre de travailler n'importe où. Oui, aussi, parce que la plupart du temps... C'est positif et négatif. Exactement. Si vous rencontrez des gens qui sont web entrepreneurs, la plupart du temps, ces gens-là vont rarement avoir une vie sociale extrêmement développée parce que, justement, on met tellement de temps et tellement d'efforts à développer ce qu'on a, nos projets et tout ça, que ça devient quand même un petit peu difficile. Et ces gens-là, souvent, vont être des workaholics, ouais. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir tout le temps travailler parce que c'est ça qui vient les chercher au plus profond d'eux. C'est sûr que il faut, tu sais, je vous dis pas de vous lancer dans le marketing web si c'est pas quelque chose que vous appréciez, c'est sûr et certain. Il faut d'abord que vous ayez une passion qui va vous amener là. Par la suite, ce que je veux parler avec vous, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de l'argent un petit peu en ligne, ouais. Parce que ça semble tellement être l'endroit où on peut faire beaucoup d'argent. Un Eldorado. Assez rapidement. C'est sûr que si votre notion de rapidement, c'est 3 jours, oubliez ça, là, c'est sûr et certain. Gratification instantanée, là, ça marche pas mal. Exactement. Donc, je suis tombée sur un article du blog lesaffaires.com qui est un article de Julien Bro qui explique justement comment il a réussi à faire 10 000 en 4 heures avec un cours en ligne qui n'existe pas encore. Parce que, bien évidemment, il faut faire attention que si vous vous promenez sur Internet, si vous êtes du genre à vouloir consommer de ces fameux web entrepreneurs-là et du fameux web marketing, il existe quand même quelques escroqueries et c'est surtout ça qu'il faut faire attention. C'est de voir à quel point est-ce que ça peut être une escroquerie ou... Justement, vous allez rentrer, par exemple, vos informations de carte de crédit pour vous acquérir quelque chose, acquérir un cours, acquérir un produit en quelque sorte. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire quelques recherches, bien évidemment, avant de décider de faire quoi que ce soit sur Internet. Donc, vers 13h, la semaine dernière, il n'avait pas encore eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait en tête depuis le lancement de la campagne de sociofinancement de Hard Bacon à 9h, c'était les innombrables tâches qui devaient être effectuées le plus rapidement possible. Il y a plusieurs d'entre elles qui n'avaient pas encore été effectuées, comme par exemple faire une séance Facebook Live qui faisait partie de sa liste de choses à faire et d'appuyer sur le bouton Live de Facebook sur son téléphone. Il savait qu'il allait franchir la barre des 10 000 $ dans les prochaines minutes ou encore dans les prochaines heures, mais il ne savait pas encore où et il n'avait pas encore eu le temps non plus de réfléchir comment est-ce qu'il allait arriver à y arriver. Donc, il était en mode un petit peu automatique. Et sur la vidéo, il a annoncé qu'il allait rester en direct jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif de financement de la campagne de sociofinancement qui était de 10 000 $. Donc, à peine à ce moment-là, il avait fini de dire son petit discours sur Facebook. À la 53e seconde du vidéo, son équipe apprend qu'il a franchi le fameux cap des 10 000 $. 53 secondes. Donc, ils ont ouvert, bien évidemment, une bouteille de mousseux pour célébrer, mais ça lui a pris du temps à vraiment réaliser ce qui venait de se passer. Il faut dire, en fait, qu'il n'avait jamais espéré atteindre un objectif en quelques heures. Il avait même fait passer la durée de sa campagne de 30 à 40 jours sur le conseil du PDG d'une compagnie qui l'héberge et qui a par ailleurs donné un solide coup de main au niveau de la stratégie qu'il allait aborder. Et malheureusement, pour ceux qui prennent des titres trop littéralement, ce succès-là a été inespéré et il est le fruit de bien plus de 4 heures de travail. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est bien évidemment, ils ont commencé à préparer cette campagne-là en novembre 2016. On est en février 2017. Calculez un petit peu, ça fait déjà quelques mois de travail acharné. Et s'ils étaient relativement bien préparés, ils doutaient que les chances d'atteindre 10 000 $ allaient assez être rapides. Mais son raisonnement était le suivant. Les projets qui ont le plus de succès sur Kickstarter ou les sites dans ce genre-là sont généralement des gadgets qui vont être sophistiqués, qui vont être offerts à des prix relativement bas. C'est la plupart du temps ce qu'on voit sur Kickstarter. Par la suite, les contributeurs ont l'impression de faire une bonne affaire et après ça, ils peuvent prouver au monde qu'ils sont des utilisateurs précoces. Donc, ça fait l'étalage de gadgets qui ne sont pas encore en vente dans les grandes surfaces. Quand il s'est penché sur les cours en ligne, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, il y a eu recours au sociofinancement. Pardon, il n'y en a trouvé aucun qui avait obtenu plus de 30 000 $ et qui avait amassé un cours australien de développement d'applications mobiles. Donc encore là, on parle d'un cours de programmation dont le marché est mondial. Pour sa part, ce qu'il avait à faire, c'était de vendre un cours sur l'investissement qui était offert en anglais et en français, mais uniquement destiné au marché canadien. Okay. Donc, il a pris le cours et il l'a modifié un petit peu. Il a décidé de mettre en front page que c'était simplement canadien et il se pince encore parce qu'ils vont probablement franchir le cap des 20 000 $ le jour où cet article-là a été sorti. Donc, c'est le 13, ça fait approximativement une semaine et c'est probablement déjà atteint et beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, c'est une force d'admettre qu'ils ont dû travailler sur quelques trucs qui étaient assez intelligents, mais ces trucs-là qui étaient intelligents, c'était la stratégie qui était derrière le cours. Du moment qu'on a le cours, c'est correct. Ouais. Par la suite, il faut arriver à faire en sorte qu'il va y avoir un volume de personnes qui va vouloir atteindre ce fameux cours-là, si par exemple le produit qu'on offre est un cours, bien évidemment. Donc, il faut bâtir une audience, il faut s'assurer qu'il faut faire participer l'audience, et il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut tourner par exemple des bonnes vidéos, il faut avoir une stratégie média qui doit être quand même assez développée, et la plupart du temps, c'est pourquoi les web entrepreneurs vont réussir à faire beaucoup d'argent comme ça assez rapidement, c'est qu'ils ont cette stratégie-là de vouloir aller chercher le plus grand nombre de personnes, le plus grand nombre rapidement de personnes sur leurs réseaux sociaux, parce que bien souvent, c'est par là qu'ils vont passer. Et ça m'a permis, en fait, de rencontrer, pas nécessairement de rencontrer, mais de découvrir, en fait, le webmaster mauricien qui est Olivier Lambert. Je sais pas si toi, Mathieu, tu connais qui est Olivier Lambert. Malheureusement pas. Mais c'est un gars qui vient d'ici, de la Mauricie, il vient de Shawinigan plus précisément. Et Olivier Lambert, c'est comme une histoire à succès du marketing web ici au Québec. Certains le suivent assidûment, d'autres le connaissent pas nécessairement encore. Mais si vous venez de la Mauricie, automatiquement, il a dû passer sur votre Facebook à un certain moment parce que son réseautage est extrême et il connaît beaucoup de gens, il faut se le dire. Donc, automatiquement, c'est un encryptage. Sa publicité a de fortes chances de se retrouver sur votre page Facebook si jamais vous avez quelques amis communs avec lui. Mais avant de regarder sa situation actuelle, il faut prendre le temps quand même de savoir qui est Olivier Lambert. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il a lancé sa première entreprise à l'âge de 16 ans et il a mis son blog en ligne en 2012. Lorsqu'il a mis son blog en ligne en 2012, deux ans plus tard, il a remporté le titre du meilleur blog marketing et médias sociaux selon MIB Awards. Donc ça, c'est seulement deux ans de travail sur Internet qui avait été mis devant le public, mais c'est peut-être cinq ans de travail avant d'être mis en ligne. Donc c'est pas le Olivier Lambert qui est cosméticien chez Jean Coutu et qui écoute du Adèle sur Facebook. C'est pas non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc après avoir travaillé au marketing numérique de Voyage à Rabais, il s'est décidé à lancer son propre entreprise en septembre 2015. On a voulu offrir en fait des services de formation en marketing numérique parce que pour Olivier Lambert, c'est un petit peu ce qu'on veut arriver à faire, c'est de faire connaître le marketing numérique au plus grand nombre de personnes possible. Donc, en quelques mois, il a fait exploser ses ventes. Il s'est positionné de façon extrêmement avantageuse sur le marché canadien, sur le marché québécois aussi. C'est un gars qui est ambitieux, qui est audacieux. C'est vulgarisé et très divertissant. C'est un petit peu ce qui a fait en sorte que Olivier Lambert a eu autant de succès et qu'il en a encore aujourd'hui. Pour le commun des mortels, l'utilisation du web et des médias sociaux, ça se résume souvent à chercher, par exemple, une adresse sur Google Maps ou encore prendre ses courriels ou rire devant une vidéo de chat sur YouTube. C'est moi. Olivier Lambert, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met tout ça ensemble. S'il va aller vulgariser ce qu'on connaît pas nécessairement du web, mais avec une touche humoristique. Donc, si par exemple, vous vous rendez sur le site internet d'Olivier Lambert, qui est olivierlambert.ca, et vous allez voir que la première chose qui va vous apparaître, c'est le titre du site internet en haut, avec une image de Grumpy Cat. Ah! Sur son site internet, l'icône qu'il va y avoir dans votre barre d'outils en haut, ça va être Grumpy Cat avec « Apprends le bon marketing, celui qui n'a pas l'air d'en être ». Parce que, évidemment, le marketing, ça semble être tellement difficile à comprendre qu'Olivier Lambert s'est donné comme mission de le vulgariser pour que les gens le comprennent extrêmement bien. Ça, c'est, on s'entend, c'était en 2015. On est rendu en 2017. T'as un petit accent de Moncton. On est rendu. Ouais, on est rendu. Non, ça s'appelle la fille qui a plus de voix. Mais on parle avec des illustrations, on parle avec des analogies, on parle aussi avec tout ce qui est drôle et efficace pour Olivier Lambert. Donc, on a réussi à traduire le web, on a réussi à le rendre accessible à tous ceux qui ont envie d'apprendre qu'est-ce que c'est exactement. Il faut lire du bon contenu, il faut lire aussi du contenu qui va nous faire rire, et c'est ça qui va être la clé du succès, et c'est ça qui a été la clé du succès d'Olivier Lambert. Donc, quelle est la suite pour ce webmaster-là qui est mauricien, qui est un petit peu partout, qui fait des conférences, qui fait des vidéos sur YouTube, qui vous explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne dans sa formation? Eh bien, c'est simple. Olivier Lambert, en fait, a comme objectif dans les prochaines années de travailler sur ses nouvelles formations, d'embaucher et aussi de poursuivre son projet qui était jusqu'à présent top secret. Ça a été dévoilé parce qu'il y a quelques journalistes qui sont allés le titiller un petit peu à ce sujet-là. Et on a su que Olivier Lambert veut s'attaquer au système d'éducation qui est actuel. Donc, dans 10 ans, par exemple, il aimerait que ce soit considéré comme complètement ridicule d'aller faire un bac en marketing ou encore de s'inscrire à l'école d'entrepreneuriat. Parce que c'est quelque chose qui vit, en théorie, dans chacun d'entre nous aujourd'hui avec Internet qui est si gros. Et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu l'idée de vouloir faire de notre propre personne, notre propre boss, ce que tout le monde souhaiterait la plupart du temps faire. Donc, bref, il veut créer un écosystème qui va rendre les institutions qui sont obsolètes une nouvelle façon d'apprendre qui est supérieure à ce qu'on a vu dans le passé. Donc, on veut s'attaquer dans les prochaines années pour Olivier Lambert à ce qu'est l'éducation du web marketing, à ce qu'est l'éducation de l'entrepreneuriat, pour qu'on puisse simplement avoir cet acquis-là déjà sans nécessairement devoir faire justement un bac en marketing ou un bac en entrepreneuriat, parce que selon lui, ce sont tous des choses qui devraient déjà être acquises en 2017 lorsqu'on est rendu à un certain âge. Donc, il aide les gens à construire, à compter leur histoire sur Internet. Il aide les gens aussi à inspirer d'autres gens et pour que ce soit une cause, que ce soit une autre personne ou encore une marque. Et le blog est dédié aux entrepreneurs, aux artistes, aux rebelles, à tous ceux qui, lorsqu'ils étaient enfants, rêvaient un jour de dominer le monde. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à connaître Olivier Lambert. C'est qu'au départ, Olivier Lambert s'est montré comme étant le gars qui voulait du scotch, qui voulait devenir son propre boss et qui voulait dominer le monde. Mm-hmm. Mais présentement, il domine le web au Québec de façon assez exceptionnelle sur le monde de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à suivre ses conseils, qui ont fait en sorte que, justement, leur stratégie marketing est de plus en plus grosse et elle est meilleure. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir qui est Olivier Lambert, bien évidemment, sur Facebook, mais aussi sur YouTube et Instagram, qui sont les trois principales plateformes où Olivier Lambert œuvre, parce que sur YouTube, vous allez avoir les vidéos qui sont approximativement une dizaine de minutes, qui sont exactement les vidéos qu'il y a dans ses formations écrites. Mmh. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est possible de le faire, mais le web marketing, c'est quelque chose dont on va entendre parler encore très, très longtemps. Et sachez que, je me suis toujours posé la question, ouais, mais quelqu'un qui décide là, de devenir web entrepreneur là, comme ça, par exemple, Olivier Lambert, lui, il s'en va sur Internet puis il vend ses affaires. Est-ce qu'il y a une certaine loi qui est rédigée ou tu sais, où tu fais juste payer automatiquement dans sa poche et tout lui revient? Bien, sachez qu'il y a des lois qui sont attitrées aujourd'hui à ceux qui font des entreprises sur le web, donc qui sont encadrées comme un commerce normal, mais c'est sûr qu'en temps normal, lorsque t'as pas d'employés, lorsque t'as pas de locaux, lorsque t'as pas de machinerie à devoir payer, c'est sûr que leur pourcentage d'argent est beaucoup plus élevé que celui qui décide de s'ouvrir une boutique sur le coin de la rue à côté de chez vous. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Mais aujourd'hui, en 2017, c'est totalement normal que de faire des achats et que de faire du web marketing. Et c'est quelque chose que les gens doivent comprendre de plus en plus et peut-être aussi doivent explorer de plus en plus. Il faut savoir se vendre aussi, hein, tu le vois sur son site olivierlambert.ca, que c'est rempli de « voici ce que les gens disent de moi, ah, ah, il est donc bon, il est un génie, il est ci, il est ça ». Il faut savoir se vendre. faut pas être nécessairement tout à fait humble. Ben, il faut rester humble, mais il faut savoir de quoi on parle. Et je pense que c'est comme ça que les gens qui ont du succès sur Internet réussissent à avoir du succès. C'est qu'à un certain point, ils connaissent bien ce dont ils vont parler, ce dont... Ils connaissent leur talent aussi. Exactement, ils connaissent leur talent. Et oui, veux pas, c'est de la vente. Ouais. Donc, il faut que tu saches vendre. Tu es ton propre produit dans son cas. Exactement. Ouais. Voilà. Merci, Tania. Fait plaisir. Excellent. Donc, Olivier Lambert, olivierlambert.ca, il va un petit peu partout sur les réseaux sociaux. On fait Tania's Gun and Tania tous les matins à Assemblage Rocky. Maintenant, on prend une pause. Au retour, ça va être David Ferron qui va être là. Une chance. Et c'est, fond, David Ferron, on pourrait dire, est une des raisons pour lesquelles nous avons des fonds à l'émission. Donc, vous l'auriez entendu entrer, sortir. Il bouge beaucoup, c'est David Ferron. On l'aime pour ça. Il va travailler avec nous pour parler du Zone Campus dans quelques instants. Le numéro avec un gars qui joue du piano sur la couverture. Donc, écoutez en spectacle, entre autres, avec David Ferron. Mais pour l'instant, une pause. Revenez dans 2 minutes. En fait, partez pas. Partez pas, restez là. Le marketing, là. J'oublie le marketing. Exactement, ne partez surtout pas. À sondage le qui toi aujourd'hui. À sondage le qui. Toujours à Assemblage Rocky en ce mardi 28 février 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Elle a toujours pas de voix, Tania. Pauvre-toi. Ça fait un bout que t'as plus de voix. Ouais. Ouais, quand même. Depuis le début de l'hiver, là. Tu ne passes pas grand-chose dans ta gorge. À part Pierre. Tu ne passes pas grand-chose dans ta gorge. C'est ça, à part Pierre. David Ferrat est là. Bonjour. Salut. T'arrives au bon moment pour des blagues, de se mettre des choses dans la gorge. Exactement. Comme toujours. Dans le sens que t'as tout le temps faim. J'ai dit à... Ah, ok, dans le sens. Et à Assemblage Rocky, tout le monde a une caractéristique. Toi, c'est que tu bouges beaucoup et tu manges tout le temps. Oui. Tania Baudin, elle boit beaucoup. Et ben là, plus... ça 28 jours, depuis 28 c'est jours. Ça. Et c'est quoi des autres caractéristiques? On fait des blagues de cul avec toi, tu vois. Ça... Ben, ouais, rarement. Pas mal plus toi qui fais des jokes de cul. Le gars est inapproprié, qu'est-ce que c'est? Essaye pas de faire passer Tania pour une grande grivoise. Ouais, merci David de prendre ma défense comme ça. Vous pouvez me donner des caractéristiques quand vous voulez. Là. Comme David t'a dit qu'on allait jouer une chanson qui avait des jeux de mots poche dedans. Ben, pas poche. Ben, mettons, un petit peu facile. Là, ouais, mais donc, c'est amusant. C'est parfait pour moi. C'est super amusant. Ben oui, exactement, parce que t'es le roi des jeux de mots. Poche. Ben, ça, c'est ta propriété à toi, Mathieu. Ouais. Non, on va le dire, on va le dire. J'essaie juste de faire de l'autodérision, là. Mais on t'aime pareil. Merci. T'es aimable malgré tous tes... Ah, c'est ça ta caractéristique. T'es aimable malgré tous tes défauts. Merci. C'est parfait. Okay. Donc, David Ferron, hey, le voici, le voilà. Ben c'est la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Tu peux me dire en ondes ce commentaire-là, il voulait le dire en ronde. Qu'est-ce que tu allais dire? J'aime le chocolat. Bon. C'est tout? Il m'a dit qu'il m'aimait. Ça sortait d'où, ça? Il a dit qu'il m'aimait pour mes qualités aussi, mais il n'ose pas le dire en ondes parce que je suis trop méchant avec lui en ondes, fait qu'il faut qu'il soit aussi méchant avec moi. Il fait un cœur sur son cœur, tu vois. Donc, David, le journal Zone Campus qui sort aux 2 semaines, toujours les mardis, et là, en nos mains, on est en possession du PDF en noir et blanc. Mais plus tard dans la journée, il va y avoir la version papier en couleur. Oui. En fin d'avant-midi. Bref, c'est le numéro 10. Pardonnez-moi. Voyons. Bref, volume 12, Marque numéro 10. Pas. Ouais. Ça se pourrait que je meure, mais bon. Donc, en couverture, on retrouve QTR Spectacle 2017. On en reparlera rendu en art et spectacle. Mmh. Commençons en actualité avec une conférence à l'ASK par l'entrepreneur, au sujet de l'entrepreneuriat, avec François Legault. Exactement, François Legault, qui est le chef du parti de la deuxième opposition à l'Assemblée générale, donc la CAQ, la coalition Avenir Québec, et François Legault est venu jeudi passé donner une conférence devant des étudiants de la l'ESCA. L'ESCA, ça, c'est l'Association des étudiants en sciences comptables et administratives. Donc, M. Legault a raconté son parcours parce que lui aussi, c'est un entrepreneur. Il a mis sur pied Air Transat, ça, c'est lui, jusqu'à temps qu'il décide de vendre ses parts et se lance en politique. Donc, il a occupé notamment le ministère de l'Éducation, de la, des Finances aussi brièvement, mais il a surtout fait sa marque comme ministre de l'Éducation. Ouais. Et aussi, il explique qu'il faut que les gens deviennent entrepreneurs davantage et il incite les gens à devenir entrepreneurs. Eh bien, ça fait une belle continuité avec la chronique de Tania juste avant. Oui, c'est ça, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, très... Ben, pas à la mode, je veux pas dire ça. Ben non, il faut le dire, en fait, parce que c'est très, très à la mode. C'est d'avoir très, sa très, propre compagnie. C'est très, très 2017, ouais. 2016. Et voyons 2015. Voir si c'est quelque chose qui se poursuit, qui est vraiment... Ouais. Ouais. Qui va rester, là. Ensuite, dans ton mot de la rédaction, on l'a dit tantôt, tes caractéristiques doivent sortir en ondes, mais maintenant elles sortent par toi-même dans le journal, ce qui est quand même surprenant. Ton titre, c'est « J'ai tout le temps faim ». Oui, mais là, je parle de nourriture intellectuelle. Ah, c'est ça, la twist. Oui, c'est ça, faut lire tout au complet. Page 2 du journal Zone Campus. Toujours en actualité, le CA de l'Association Générale des étudiants. Oui, qui a eu lieu le 12 février dernier. Parmi les dossiers qui ont été avancés durant cette réunion-là, eh bien, il y a eu le projet Sentinelle. Le projet Sentinelle, c'est quoi? C'est en fait un plan d'action pour former des étudiants et des gens et des membres du personnel pour des personnes qui auraient des problèmes au niveau psychologique ou c'est surtout pour la prévention du suicide, en fait. Cool. Puis il y a aussi, il y a aussi les VP Finances, le vice-président aux Finances. Le poste qui est en fait non comblé depuis un certain temps ne le sera pas jusqu'aux élections parce que le temps qu'on forme la nouvelle personne, bien, c'est un peu flush. Donc, les tâches financières vont être réparties entre les différents officiers. Ouais. Et ce qui est fun avec la copie PDF, c'est qu'on réalise les erreurs qu'on a faites. Même avec un rédacteur en chef, un monteur et une correctrice, on a laissé passer sur titre CA de l'Association Générale des étudiants et titre CA de l'Association Générale des étudiants. Oh! Hein, c'était la JQTR. Ouais. Ensuite, toujours à la GE, il y a eu l'Assemblée Générale Spéciale récemment, c'était le 15 février dernier, et on parle d'une hausse de 5$ sur les cotisations étudiantes. Oui, exactement. Donc, les cotisations étudiantes pour toutes sortes de projets, notamment pour la JQTR, pour le groupe des médias étudiants qui englobe la radio et tout ça. Donc, il va y avoir un 5$ sur les cotisations étudiantes pour la GEQTA, mais aussi les bourses FIO. C'est quoi ça, les FIO? Ça, c'est des frais institutionnels obligatoires. Parce que oui, il y a les frais de scolarité, mais il y a d'autres frais. Parce que les étudiants ne font pas juste payer des frais de scolarité. Ils payent des assurances, ils payent des cotisations, ils payent plein de trucs qui augmentent à chaque année, même si les frais de scolarité n'augmentent pas. Mais les FIO, c'est des frais institutionnels obligatoires et l'université, il y a quelques années, en a demandé plus que prévu. Donc, ça fait en sorte que la GEQTR a le droit à avoir un petit coussin qui va être distribué en bourse. C'est le fun, ça. Ben oui. Toujours au sujet de la GE, activité politique, si on parle, disons, des activités de la GE, une association à l'affût et le titre. Oui, exactement, parce que la GEQTR, en fait, son exécutif a fait beaucoup de représentations au sein des instances politiques, notamment Alex Marchand et également Samuel Plante. Donc, Alex Marchand, qui est président de la GEQTR, il y a eu notamment la visite de Carlos Letao, qui n'était pas nécessairement secret, mais qui était destiné à une tranche précise de la population, c'est-à-dire les gens en comptabilité et administration. Ouais. Donc, encore la ESCA, les mêmes que François Legault. Donc, oui, exactement, oui. Donc, il y a également eu le congrès jeunesse PQ, où ça a été un bon moyen de faire, si je peux me permettre l'expression, du PR, donc nouer des liens avec le PQ pour pouvoir faire avancer les dossiers. Ouais. Et ensuite, il y a eu également la discussion à Sherbrooke sur les violences sexuelles mardi dernier à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est la délégation de l'UQTR qui a présenté un mémoire et parmi les revendications du groupe, donc c'est formé par exemple par le groupe d'Action Femmes, par des membres du service aux étudiants et par la GEQTR notamment, et ce groupe-là a déposé un mémoire et la revendication, c'est d'ouvrir une espèce de bureau central pour les plaintes d'agression sexuelle. Parce que présentement, il n'y a pas vraiment de service spécialisé pour ça. Donc, ça fait partie des revendications que le ministère à l'Éducation supérieure débloque des fonds pour ça. Oui. Ensuite, on parle d'étudiants hors campus. Qu'est-ce que la vie étudiante? Oui, exactement, parce que Oui, il y a le campus de l'université, c'est-à-dire les différents pavillons à Trois-Mères en tant que tel, mais l'UQTR, c'est aussi à Joliette, Québec, Longueuil, Sorel, Tracy, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Victoriaville et Drummondville. Demain le monde. Oui, exactement. Donc, Caroline Bodin, qui a écrit l'article, s'intéresse à c'est quoi un camp... En fait, c'est quoi une association hors campus et c'est quoi les activités. Et elle s'est intéressée notamment... au campus de Drummondville. Elles sont assez dynamiques et parmi les activités, ils ont eu leur propre spectacle de la rentrée. Ah, pour vrai? Ben oui, avec Alpha Rococo et Sexe Illégal. Cool! Donc, c'était la vie à Drummondville, mais dans d'autres campus aussi qu'on peut lire. Ensuite, on vient sur la ligne Bon Pitch, organisée par le Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation. On reste dans le même domaine que depuis quand même un petit bout de temps, l'émission L'entrepreneuriat. Bien oui, exactement. Donc, c'est une conférence donnée par Félix-Antoine Huard, qui est directeur général chez Rum & Code. Un petit jeu de mots que tu as. Oui, j'adore. Celui-là, je l'aime. Ah oui, c'est il ça. Il n'est pas facile, celui-là. Ouais, Rum c'est bien and pensé. Code, comme Coke. Oui. Ben oui, donc c'est en fait le gagnant du Startup Weekend Trois-Rivières de 2016 et il est venu nous expliquer comment bien vendre sa salade. Oh. Ensuite, c'est drôle de surtitre ici, consommation d'alcool, les jeunes Français et Québécois en ligne de mire. Oui, exactement, parce que c'est l'étudiante française Tiana Lose, qui est d'origine californienne, mais qui a décidé de poursuivre son doctorat en France. Oui, elle a un nom très peu français. Là. Oui, exactement. Oui, c'est pour ça. Donc, Tiana, en fait, qui parle très bien français en passant, donc Tiana a décidé de faire son doctorat sur la consommation d'alcool chez les jeunes. Et elle voulait notamment comparer les Français et les Québécois, parce qu'elle explique, par exemple, que ce qui est intéressant au Québec, c'est la présence de la SAQ, tandis qu'en France, les bouteilles d'alcool ne coûtent pas cher. Donc, elle voulait voir si ça a une incidence, notamment. Elle tient en compte aussi le sexe, les facteurs psychologiques aussi dans son étude. Coûte moins cher aussi, le sexe. Ça dépend pour qui. C'est ça. Ah. L'éditorial ensuite de Samuel Pedro Beauchemin, c'est toujours l'humain approximatif. Et cette fois-ci, c'est le retour du Parti conservateur du Canada, première partie. Oui, exactement, parce qu'il y a à peu près plus qu'une douzaine de candidats à la chefferie au Parti conservateur du Canada. Pas juste Kevin O'Leary, qui est là une fois sur deux, mais également d'autres candidats qu'on connaît moins. Et Pedro nous fait la présentation dans son ton qu'on lui connaît bien. Oui, en criant chacun des noms avec un point d'exclamation. Oui, comme un coach. Voilà. On passe en société. Oui. Oh que oui, c'est Gwendoline dans sa chronique habituelle Un œil sur l'actualité internationale qui cette fois nous parle des eaux noires en Inde. Oui, exactement, parce que le 28 janvier dernier, il y a eu deux bateaux en Inde qui se sont frappés et ça contenait plein de pétrole. Et ça a l'air que le pétrole liquéfié se serait étendu sur une superficie de 43 km. Ce qu'elle explique, Gwendoline, c'est que ça a l'air qu'en Inde, ils sont très, très pressés pour s'avancer pour des innovations technologiques comme envoyer des satellites ou des satellites dans l'espace, mais que pour nettoyer et prévenir de telles choses comme les collisions entre des bateaux, c'est plus lent. Ah. Et que la nouvelle n'a pas été très bien répandue parce que, en effet, en faisant le fact-checking, c'est très dur à trouver. C'est pas parce que c'est inventé, mais c'est parce que... Les médias en parlent pas tant. C'était caché un peu, mettons. Ouais. C'est malheureux quand même. Triste. Kevin Gaudreau, lui, nous parle entre les deux pôles de personnalité antisociale, psychopathie et criminalité. Oh boy. Oui, exactement. Une personne antisociale, c'est quelqu'un, en fait, une courte définition qui est pas... en fait, faut lire l'article pour mieux comprendre, mais en somme, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas imposer des règles et responsabilités entendues par la société, mais c'est quelqu'un, en fait, ce qu'on peut appeler quasiment des gens inaptes au niveau sociétal. Ils n'ont pas l'affaire. Non. Oui, exactement. Mais, et c'est des personnes aussi qui manquent d'apathie, qui peuvent aller dans la criminalité pour des gains, mais qui expliquent aussi que c'est des gens qui peuvent être loyaux aussi en criminalité s'ils voient un intérêt. Et il y a également la psychopathie, parce que ça peut être en social, mais pas nécessairement psychopathe. Le psychopathe, c'est parce que t'es quelqu'un qui aime torturer les gens, mais qui a aucun remords par rapport à ça. Ouais, c'est qui commence en tuant des chats. Oui. Pareil, pareil, comme lui. Pareil comme lui, on s'en souvient de lui. Oui, hein? Oui, c'est ça. Par la suite, c'est Anthony Morin, parce qu'en temps habituel, il partage sa page avec Marie-Ange Perrault, mais cette fois, c'est lui qui nous parle d'amitié, intimité et pudding chômeur. Pudding! Exactement, donc je vais prendre toi, Mathieu, et toi, Tania, comme exemple, parce que vous êtes un gars et une fille. OK. Ouais. D'après... On apprend des choses ce matin. Oui, ouais. Exactement. Il va encore dire qu'on couche ensemble. Non, même pas. En fait, vous êtes un duo très, très fonctionnel. Vous fonctionnez très bien. Vous avez une belle complicité. Merci. Donc, merci. Anthony, ce qu'il explique, c'est que l'amitié entre gars et filles, ça fonctionne. Oui. Ben oui, ben oui. C'est vrai. Oui, donc... Je suis la meilleure wing woman à Mathieu. C'est vrai. Donc, exactement. Donc, vous êtes deux amis et ça peut fonctionner, l'amitié entre deux sexes différents. Et il explique aussi c'est quoi les limites, jusqu'où l'amitié entre gars et filles peut aller, puis c'est quoi... Au sous-entendu et au... Exactement, c'est comme Mathieu et moi, on n'a jamais couché ensemble. ça arrivera pas non plus. Ah, ben ça, je vais savoir. Bonne journée. C'est vrai. Non, c'est une blague. Mais en fait, pour expliquer que, tu sais, c'est pas parce que t'es ami avec une fille ou avec un gars qu'il va nécessairement avoir quelque chose. Mm-hmm. Exactement, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'Anthony explique. Bon. Par la suite, c'est Jean-François Veilleux qui nous présente finalement sa partie numéro 3 du Canada n'a pas 150 ans. Est-ce que c'est vraiment finalement? Oh. En fait, je crois qu'il y a une quatrième chronique, si je ne me trompe pas. Oh, c'est OK, c'est 3 de 4. Oui, quand même, si bon, je me trompe pas. En tout cas, c'est partie numéro 3 cette semaine. Oui, exactement, parce que, en fait, il explique ce qui est arrivé en 1760. En 1760, c'est la conquête, donc les Français perdent aux mains des Britanniques. Et Jean-François explique les premières années un peu, comment ça s'est déroulé. En fait, je dirais les 30 premières années, comme quoi, en fait, la France cède une bonne partie de ses terrains américains à la Grande-Bretagne, donc la Nouvelle-France n'est plus. Et pendant les 30 premières années, comment au niveau politique ça s'organise? Ensuite, on va dans un spectacle. OK, oui. Avec la 13e édition du QTR en spectacle, une soirée hautement diversifiée. Oui, parce qu'il y a eu de la danse, il y a eu de l'humour, il y a eu également de la magie, de la musique aussi. Ça a été une très, très grosse soirée là-dessus. Et il y a eu un gagnant qu'on pourrait penser que ça serait inhabituel, mais très intéressant, c'est le pianiste Mathieu Fortin. Mmh. Mais de son côté, Julien Lavertu-Martel, qui est un humoriste, a gagné le prix coup de cœur du public. Il y aurait eu une centaine de personnes qui se sont présentées à la salle. Anaïs Allard-Rousseau. Cool, un numéro d'humour qui gagne un coup de cœur du prix, c'est bien. Ben oui, ensuite, ça veut dire qu'il est drôle. Ben oui. Le ou les prix? Un prix, Clément Marchand? Oui. Oui, en fait, il y a deux prix, une deuxième position et un... gagnant, une gagnante principale, et parmi les gagnants du prix Clément... En fait, le prix Clément Marchand, c'est le prix, en fait, qui a des prix en poésie et en littérature en tant que tel. Donc, ça sert à permettre à des auteurs mauriciens qui ont du talent de pouvoir avoir une tribune, qui est le prix Clément Marchand. Et parmi les gagnants, il y a l'ancien animateur radio Frédéric Laflamme et Fred Pellerin. Ah ben! Juste des gens comme ça. Ben oui. Ben oui. Cool. Ensuite, Paul, on connaît les bandes dessinées Paul, et bien Michel Rabaglietti a été à Trois-Rivières récemment. Oui, exactement. Michel Rabaglietti, qui est connu pour les Paul, qui était un film, mais avant d'être un film, c'est une bande dessinée. En fait, il y a un autre tome qui s'en vient bientôt sur Paul. Dans Paul Long. Oh! Non, ça, c'était vraiment facile. C'était facile. Et que tu... Non, tu l'as pas. Là. Non, pas le Paul, non, pas là. Je l'ai pas. C'est un mauvais jeu de mots. Hein. Ouais. Non, ça marche pas. Je te laisse le jeu de mots. T'es un Apollon. Donc, Paul Atrovian, donc Michel Rabaglietti, qui a parlé de son parcours en tant que BDiste. Et en fait, ça n'a pas été un parcours évident et même surprenant, c'est à lire. Hmm. Ensuite, une soirée de performance à la Galerie R3, un art de corps et de parole. Oui, car jeudi dernier, il n'y a pas eu que François Legault qui est allé à l'UQTR. Il y a eu également à la Galerie R3 beaucoup d'actions. C'est en fait 4 propositions artistiques différentes, que ce soit dans la lecture de texte, que ce soit dans un format interactif, ou aussi 2, en fait, que ce soit aussi une performance théâtrale. Il y en avait pour tous les goûts et fallait, en fait, par exemple, il y a Sébastien Dulune, un ancien collaborateur à Assemblage Requis, qui a fait une prestation avec son duo Revers, qui traite de violence. C'est les gars qui s'embrassent. Oui, à la fin, parce que ça a l'air qu'avant, ça brasse. Ouais. Ensuite, dans sa chronique « Le Québec, une page à la fois », notre amie Judith Etier nous parle du livre « Le syndrome de la vis ». Oui, exactement. C'est le nom d'un livre de Marie-Renée Lavoie. Et ça raconte une femme qui décide de prendre congé parce qu'elle n'en peut plus. Oh. Et elle rend compte, en prenant congé, que finalement, dans sa vie, ça fonctionne plus tant que ça. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui doit justement se reprendre en main et savoir qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. Ensuite, on parle de musique avec Perséide, Hidalgue et Chocolat qui étaient au Café Frida le 17 février. Oui, exactement. Donc, trois groupes qui ont quand même une thématique commune, le petit côté psychédélique, ouais. Mais c'est quand même pas une copie l'un sur l'autre du tout pas, parce que Perséide, c'est vraiment psychédélique. En tant que tel, Hidalgue, qui veut dire « il danse avec les genoux », donc un jeu de mots. Oui, oui, apparemment qu'ils n'utilisent plus ce nom-là, c'est rendu officiellement Hidalgue, ouais. Mais on va toujours les appeler « il danse avec les genoux », parce qu'Hidalgue, ça veut rien dire, hein? Ben non, Hidalgue, c'est leur identité, c'est un nouveau nom, voilà. C'est un néologisme. Absolument. Donc, Hidalgue qui met les percussions en avant, et il y a également Chocolat, mon nom de groupe préféré. Oui, c'est absolument ben oui. Fantastique. Ben c'est oui, eux qui avaient créé la controverse avec le Café Frida et leur spectacle qui ne pouvait pas être affiché par la GEQTR parce que ça fait compétition à la Chasse-Galerie. Vous vous souvenez de cette nouvelle-là? C'est passé, c'est derrière nous. Ben oui, c'est derrière. Et maintenant, ben, nous, ça nous fait plaisir de couvrir le Café Frida dès qu'il y a des shows qu'on croit qui méritent d'être couverts. Et le Café Frida, c'est une très bonne tribune, justement, pour des artistes émergents. Ben oui. Ou même plus connus, parce que Jimmy Hahn, c'est quand même un artiste établi d'une certaine manière. Donc, il y a Chocolat aussi qui est passé au Café Frida. Génial. Le Café Frida, c'est comme le C'est fou des bars. Pareil. Des cafés plus. Ensuite, j'espère juste qu'ils font pas un genou quand ils sortent ton café. Oh, j'irai plus souvent. Oh. Programme double à Grand-Mère. C'était le 16 février dernier à la Maison de la Culture Francis Brisson de Grand-Mère qui avait lieu ce spectacle. Oui, exactement. Donc, c'était un programme double. La première partie, c'était Daniel Morissette. En fait, Daniel Morissette, Guy Brière, c'est deux auteurs, compositeurs, interprètes de Trois-Rivières qui nous ont offert des chansons à la salle France. En fait, à la Maison de la Culture Francis Brisson à Grand-Mère. Et ces deux styles folk, bref, une soirée que Nathalie Petrovski aurait sûrement sans doute détestée. Ah, wow. Parce qu'elle déteste le folk québécois. Bon. Mais non, le public avait l'air d'être très content et très complice aussi. Donc, puis on va pouvoir entendre une chanson de Guy Brière tantôt. Bien sûr. Ensuite, la finale locale de l'Omnium du Rock mise au jeu 2016-2017. Sifou est partenaire de ça, donc c'est une soirée à tout casser. Oui, exactement. Et c'est le groupe de dead metal. J'ai toujours de la misère à le dire, Strig Empire. Ah ouais, exact. Donc, qui a gagné. Et il y avait trois autres compétiteurs, c'est-à-dire Black Sheep, les Gun Mashup et Dead Note Silence. Mm-hmm. Donc, les quatre se sont affrontés samedi dernier. Et finalement, c'est le groupe Strig Empire qui a gagné. Sting, c'est vraiment pas death metal. Non, hein, pas du tout. Et pour terminer les arts et spectacles, la chronique d'une citoyenne du monde par Alassania Kouyi, elle nous parle du pouvoir de l'animer. Oui, exactement. Il explique notamment que si le documentaire véhicule des messages aussi efficacement, mais en fait, mieux que les documentaires selon elle, parce qu'il y a un message universel dans les dessins animés, c'est quelque chose aussi dont on s'initie dans nos premières années aussi, les bandes dessinées. Et elle explique justement que le dessin animé, c'est pas juste des petits bonhommes dessinés au crayon ou à l'ordinateur, mais qu'il faut être attentif aux messages et qu'il y a plusieurs artistes qui peuvent s'exprimer de manière sick aussi là-dedans. Ouais. Maintenant, sports time! Ok, oui, c'est Marc-Olivier Dumas qui détient la page numéro 12 du journal cette semaine. Les deux articles sont de lui. D'abord, on parle des Pats qui avançaient en séries éliminatoires, les Corbeaux qui s'étaient écrasés. Oui, exactement, parce que en fait, on a craint le pire dans cette première partie-là, parce que ça, c'était les quarts de finale de la division Est des sports universitaires de l'Ontario. Et le premier match, les Patriots l'ont perdu, mais ils ont gagné les deux autres, donc ce qui a permis d'aller en demi-finale de la division. Mais malheureusement, face aux Redmen de McGill, ils ont perdu les deux matchs. C'est toujours des 2-3 dans la Ligue, en fait, dans la Ligue des sports universitaires de l'Ontario. Contrairement à la LNH, que là, c'est du 4-7. Mm-hmm. Mais là, ce qui veut dire que la saison des Patriots est déjà terminée. Alors qu'ils étaient gagnants de la Coupe l'année dernière. C'est triste. Ça rappelle les Aigles. OK, oui. On y va pour un profil d'athlète en page 13. C'est Étienne Lebel-Michaud qui nous présente le capitaine de l'équipe de badminton, Simon Savard. Oui, exactement. Simon Savard, qui est l'un des piliers de l'équipe de badminton des Patriotes. Donc, il fait partie des cofondateurs de cette équipe-là. En fait, je pense que c'est son initiative, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, ça fait 4 ans qu'il est dans l'équipe. Il a vu son équipe progresser. Simon, c'est quelqu'un de très impliqué aussi auprès des jeunes. Ah, c'est bien. On y va du côté du volleyball. On parle d'une saison parfaite. Oui, si ça va pas aussi bien que ça qu'on l'aurait souhaité pour le hockey, l'équipe de volleyball est à surveiller cette année. Je pense que ça va être l'équipe de l'année si ça continue comme ça, parce que 12 matchs, aucune défaite. Et dans ces 12 matchs-là, 11 ont été gagnés en deux manches. C'est, oui, ils sont redoutables. Si une patriote vous lance un ballon de volleyball, courez. Parce que ça se peut qu'elle vous fesse. Ou venez voir Mathieu. Oh, c'est vrai. Ah, merci. Oui, woman. C'est ça, exactement. On parle aussi des Patriotes soccer. Les Patriotes sont en mission pour la saison hivernale. Oui, et chez les filles, une joueuse qui s'est démarquée, Valérie Noël, qui, en deux matchs, a fait 4 buts, ce qui est quand même assez énorme en soccer, là. Et ça lui a permis, je pense, je ne me trompe pas, Tania, d'être élue athlète de la semaine chez les filles. Oui, exactement. Cette semaine même, avec Félix Bouchard du côté de l'équipe masculine. Oui, je pense que ce n'est pas la première fois cette année. Non, exactement. Valérie Noël non plus, si je me souviens bien. On va revérifier. Donc, oui, pour les filles, il y avait le 19 février dernier un match à LUCAC, donc à Chicoutimi. Elles ont gagné 4-0. Mm-hmm. Au soccer, 4-0, c'est énorme. C'est comme si au hockey, là, c'était 10-0 quasiment. Exact. C'est énorme. Mais par contre, elles se sont inclinées dimanche dernier, finalement, contre l'autre équipe, c'est-à-dire l'Université de Sherbrooke. Pour les gars, parce que habituellement, les gars et les filles jouent tout le temps au même endroit, à même journée, donc c'est souvent les gars avant, les filles en dernier, ou des fois c'est le contraire, là. Bref, les deux équipes jouent en même temps. Mm-hmm. Back to back. Oui, exactement. Mais là, c'était pas le cas la semaine dernière, parce que Chicoutimi n'a pas d'équipe de soccer. Oh. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que ils ont plutôt affronté l'équipe de l'Académie de l'Impact de Montréal dans un match hors concours. Et finalement, hier, il y a eu un autre match, et finalement, si je me trompe pas... victoire 7-0. 7-0, moi, quand je lisais ça, je suis comme, ben non, ça se peut pas, là. C'est comme, là, ce serait comme si au hockey, ça serait 14-0 quasiment, là. Exactement. C'est pas un blanchissage, c'est carrément de l'épuration, ouais. Là. C'est une domination, disons ça comme ça. Destruction, puis domination, destruction, c'est un euphémisme, là, pour vrai. On parle aussi du championnat universitaire canadien de natation. Raphaël Roberge qui fait parler d'elle, parce qu'on n'a pas besoin de médaille pour être une gagnante. Oui, exactement, parce que Gabriel Cyr et Raphaël Roberge sont nos deux athlètes qui nous ont représentés sur la scène canadienne en natation. Et il faut dire aussi qu'elle compétitionnait contre des nageurs qui ont fait les Jeux olympiques. Mm-hmm. Donc, c'est du très, très haut niveau, mais elles sont très satisfaites parce qu'elles ont pu battre leur propre record personnel. Puis déjà, le fait qu'elles soient admises dans le championnat canadien, c'est quand même très bon, là. En page numéro 15, on parle de la compétition de cheerleading à Trois-Rivières, qui les Patriotes ont terminé en 3e position. Oui, parce que c'est leur troisième rencontre. En première, la première rencontre, elles ont arrivé première. Deuxième rencontre, sont arrivés deuxième, et là, sont arrivés troisième. Mais par contre, les coachs sont très optimistes pour la suite des choses, parce que, je ne me trompe pas, il reste 2 rencontres dans la saison. Mm-hmm. Exactement. Et Vincent Boisvert nous présente sa chronique « En échappée avec changement de garde salutaire ». Oui, exactement. Donc, il parle évidemment du congédiement de Michel Therrien pour Claude Julien. Donc, il se demande, est-ce que ça va être bon pour l'année? Il pense que oui. Et un des joueurs à surveiller, c'est Alex Galchenyuk, qui a l'air vraiment à se démarquer. Et là, il y a 2 semaines, on se demandait est-ce qu'il va être bien là, mais là, il a l'air à prendre son envol. Mm-hmm. Fait des bons burgers aussi. Fait des bons burgers. Ah oui, avec Gallagher. Oui. Gallagher, je veux dire. Gallagher. Gallagher. Oui, Gallagher, je voulais dire. On dirait un genre de groupe métal. Gallagher. Copy the stage. Wow. Venez. Donc, également, il parle de la suspension d'Antoine Vermette, qui est un joueur de hockey qui aurait, en fait, donné un bon coup de bâton à un juge de ligne. Ben oui, toi, apparemment. J'ai pas vu ça. En fait, j'ai vu passer ça, mais je l'ai pas vu le on geste clique même. Sur les vidéos. Ouais, exactement, mais... Exactement, puis il explique aussi que les parcs nationaux partout au Canada sont gratuits, puis il explique comme quoi ça vaut la peine d'y aller, parce que c'est quand même des bons territoires, on peut y aller toute l'année, ouais. Et c'est gratuit, puis ça vaut... Puis il s'explique en fait pourquoi c'est pas plus accessible que ça les autres années. Ouais. Puis là, j'imagine Jean-François Veilleux dit « C'est pas le 150e anniversaire du Canada derrière. » Mais c'est ce qui met fin à la section des sports. Ouais. Merci, Tania. Merci aussi, David Ferron, journal Zone Campus, qu'on retrouve en kiosque en fin d'après-midi aujourd'hui. Volume 12, numéro 10, qui va être disponible jusqu'au 13 mars 2017. Après ça, il va rester 3 numéros, c'est bien ça? Oui, exactement. 3 numéros. Donc, merci encore. Zonecampus.ca pour le blog, page Facebook pour les articles et pour des primeurs aussi, des primeurs blogs pendant la semaine, pendant les deux semaines, en fait. Tu sors des fois quelques petites primeurs avant les autres médias, là, puis t'es bien fier. Ben oui. C'est fun. Ben, en même temps aussi, ou des fois un petit peu après, mais c'est sûr que les primeurs médias, le but, c'est pas de faire le buzz, de clencher les autres médias. On n'a pas non plus les gros équipements, quoi que ce soit, mais le but, c'est de garder, en fait, en alerte un peu par rapport aux actualités. On a fait la primeur avec QQTA en spectacle aussi. Ouais. Pour dire qu'ils sont les gagnants, on l'a fait aussi avec les Patriotes hockey. Finalement, on ne pourra plus le faire parce que la saison est terminée. Ouais. Mais c'est une question de ne pas être actif seulement une journée sur 14. Hein? Oui, exactement. Ben, en fait, on est actif quand même parce qu'on publie sur Facebook le blog, puis on prend soin du journal papier, on prend soin du blog, on essaie de prendre soin de notre lectorat aussi. On fait notre travail comme il faut, bon. On essaie. C'est le fun. On n'aime pas ça faire des erreurs, mais il faut vivre avec même les autres grands médias. Mais tant qu'à en faire, on la fait directement en page 3 quand on ouvre le journal. Ben oui, exactement. Tant qu'à en faire. Oui. On va se forcer pour faire des erreurs qui ont de l'allure aussi. Ben oui, on se démarque là-dessus. C'est ça. Mais c'est aux Oscars, c'est arrivé. C'est ça. Hein, on peut se le permettre à Star. On est pareil comme les Oscars. Ben oui, puis le post-check, je veux dire, tu peux faire du post-check. Tu peux faire du post-factuel puis être élu président des États-Unis. Oui, David Beatty. Warren Beatty. Tu connais le... Ben non. Warren Beatty, c'est celui qui a fait les... Ah, Warren Beatty, ben oui, Bonnie and Clyde. Ben oui. Ben oui, il fait une joke là-dessus sur Facebook. Il fait une bêtise. Oh! Est-ce que quelqu'un l'a fait, celle-là? C'était pas fait pour sa co-animatrice. Faye Dunaway? Oui. Ouais. Bref, merci. Je t'ai dit trois fois. Merci à date, fait que j'espère que tu l'as pris. Merci, merci, merci. Quatrième fois. On va retourner à la page 10 du journal pour entendre les articles. Tu sais, on est comme ça, on est rendu même en 2017, on entend le journal. Donc, on va entendre plus tard Guy Brière et la pièce Il y aura toujours des cons. Oui. Mais on va débuter avec les suspensionnés tantôt. Hidalgo, il danse avec les genoux. Voici l'extrait L'emboîte. Sur la joie qui, sur C'est fou. Merci beaucoup. Merci, David. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Gracias. Thank you. en a toujours eu des cons bien conservés, des constipés. Ils évacuent les cons, des conneries à la con, ces cons qui ne passeront pas dans les annales, mais qu'on retrouve dans le journal. Sur les réseaux antisociaux, les cons se font concurrence dans un concerto d'idiotie. Ils décongèlent leur cerveau, laissant fondre leur connaissance dans un flacon d'inertie. Même confus, ils sont convaincus qu'ils ne sont pas cons. Il y aura toujours des cons, il y en a toujours eu des cons, des conservateurs, des concepteurs. Ils contribuent les cons à peupler les nations, ces cons. Ils ne connaissent pas les cons, les moyens de contraception. Sur les sites de rencontres, les cons cherchent une compagne, une conjointe ultra féconde, une concubine contorsionniste, une complice pour compléter leur confrérie de sang génie. C'est contagieux, c'est con heureux, se multiplient. Il y aura toujours des cons, il y en a toujours eu des cons, des cons, des consternés, des cons pressés. La circulation sur les routes du continent, ces cons errants se comportent en conquérants incompris et contaminent constamment les voies de contournement, hurlant leur mécontentement. Prêts au combat, ces conducteurs-là on la rage aux dents. Ça se conjugue, un con à l'imparfait, un con c'est incomparable, c'est incontestable qu'ils sont utiles, les cons qu'ils nous font rire, c'est bouffons dans les dîners de cons où les cons vivants colorent la conversation. Dans chacune des contrées, j'en ai constamment rencontré des cervelles en congé, des compteurs de mon comté, des connards qui m'ont confié et qui ont contribué à composer. Je dois m'en confesser une chanson. Il y aura toujours des cons par Guy Brière à Assemblage Requis. C'est là-dessus que se termine une autre édition d'Assemblage Requis. Déjà, pas le temps de faire une autre déjà? Chronique. C'est comme ça. Ah, ça arrive cette année. On a trois chroniqueurs. On a deux chroniqueurs et ça remplit l'émission. Donc, on se termine ça là-dessus. Demain, à l'émission, on va être mercredi. Et le mercredi, on a tellement de monde. Encore une fois, ça va être rempli du début à la fin. On va voir Sébastien Yves Gartin en début environ d'émission avec sa chronique Bulletin Gartin. À 8h30, Xavier McLeish va venir nous parler de la huître. Et à 9h, Alfalfa le lutin va être présent pour parler de jeux de société et d'alcool. On aura aussi Andréane Cartier qui va venir nous parler de deux choses. Une activité de de rugby et un truc en art plastique. Donc ça s'en vient demain, ça va être à 7h30. Donc Butin Gartin va être un petit peu reculé, mais il l'était de toute façon depuis les dernières semaines. C'est vrai. Donc c'est demain entre 6h30 et 9h30. Plus tard sur nos ondes, ce mardi, il y aura la rediffusion du Mathieu Plante Show qui va commencer un petit peu à l'avance parce que l'émission durait seulement 90 minutes pour les auditeurs en direct. Mais pour la rediffusion, j'ai rajouté un petit bloc, ce qui l'a fait dépasser le format de 12h. Donc vers les 9h45-50, soyez là pour la rediffusion du Mathieu Plante Show. Ensuite, à midi, sera Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Ensuite, Tania et moi serons de retour à partir de 14h pour les palmarès. C'est fou, ça va être le fun! Mm-hmm. Faites plaisir là-dedans. Et puis sinon, à 19h, réanimation. Et à 21h, ce sera Matière Noire. Voilà pour la programmation d'aujourd'hui. On va se quitter avec une nouvelle pièce du palmarès anglophone qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre et qu'on entendra tout à l'heure aussi au palmarès C'est fou. Ce sera Cloud Nothings avec Internal World. Merci Tania. Merci à toi Mathieu Blanc. J'ai vraiment comme parlé beaucoup trop vite genre pour le fond qu'on avait grâce à ça. OK. Bref, bon café. Bon café. Bonne journée. Oui. Merci à David Ferron pour sa chronique du Zone Campus. Merci à Véronique Mire pour la Véronique Lépédie. Voilà. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à toi. Donc là, c'est vrai, on s'en va. Bye. Oui, bon café, là. Bye.